Amis auditrices, amis auditeurs, bonsoir. François avec vous pour une mosaïque d'enregistrements divers et variés sur des sujets, eux aussi, divers et variés, autant que possible. D'abord, la biographie d'Einstein, c'est tiré de Science et Vie TV. La biologie humaine, réseau sanguin, même origine. La Grande Guerre, le soldat inconnu. Jaurès, Jacques Brel, chanson. Gilet jaune, le système écrase les faibles. Le témoignage d'un mécanicien de 63 ans à propos des gilets jaunes. Léo Ferré, la mafia. Hiver, Vivaldi. Éric Coquerel, la France insoumise, fort de café. Mauvais résultat économique. Gilets jaunes, encore contagion en Europe. Pourquoi y a-t-il une telle contagion en Europe et pas seulement en Europe, ça devient mondial maintenant. Bah oui, parce que les problèmes sont mondiaux, alors forcément, les gens partout se rebellent. Les gens en ont marre qu'on se paye leur tête depuis des générations. Il faut se battre pour Ambroise Croizat, c'est sur je ne sais plus quelle chaîne à la télé. Les quatre vérités, Jean-Luc Mélenchon, 3 minutes pour comprendre l'univers. Là, on est de retour vers la science avec Science et Vie Télévision. Le Média, chaîne de télévision qu'on peut prendre sur Internet. Les Gilets jaunes, mensonges du pouvoir, mensonges au pluriel du pouvoir. La Grande Guerre, épisode 4, le soldat inconnu, les secrets de l'imaginaux, voilà. Et puis, une revue de presse sur des sujets, là encore, assez variés, parce que l'actualité n'est pas la même tous les jours, bien sûr. Albert Einstein, né à Ulm, Allemagne, le 14 mars 1879, mort à Princeton, États-Unis, le 18 avril 1955. Physicien américain d'origine allemande, auteur de la célèbre formule E égale à MC, Albert Einstein a joui d'une renommée internationale. Malgré des débuts difficiles, ses théories sur les relativités restreintes et générales ont bouleversé le monde de la physique et lui ont valu la reconnaissance de ses pairs. Médiatisé à outrance, il s'est fait aussi le défenseur de la paix et a toujours regretté sa part de responsabilité dans l'élaboration de la bombe atomique. Instigateur d'une nouvelle ère de la physique, Einstein, par son approche de la recherche et sa personnalité marquante, est devenu, aujourd'hui, une figure mythique de la science. Une scolarité difficile. Né en Allemagne le 14 mars 1879, Albert Einstein grandit au sein d'une famille juive sans grande ferveur religieuse. Musicienne, sa mère lui donne le goût de la musique, tandis que son père et son oncle éveillent en lui l'amour des mathématiques. Malgré une curiosité insatiable pour certains domaines, ses professeurs restent sceptiques à son sujet. Certes, il excelle en mathématiques, mais obtient des mauvais résultats dans toutes les autres matières. Par ailleurs, sa dyslexie, qui l'handicape jusqu'à ses 10 ans, ne lui facilite pas la tâche. Tant bien que mal, Einstein poursuit sa scolarité au sein des gymnasiums, lycées allemands, où l'éducation rigide et militaire dispensée alors, ne contribue guère à renforcer son amour de l'école. À cette époque, ses parents, par un malheureux retour de fortune, sont contraints de quitter le pays pour l'Italie. Einstein les y rejoint durant un an, avant de finir ses études. Il ambitionne alors d'intégrer l'école polytechnique de Zurich. Malgré un premier échec, il finit par y être accepté en 1896. Toutefois, ses résultats restent décevants. Des premiers pas laborieux à la reconnaissance. En 1900, il obtient sa licence, mais sans recommandation de la part de ses professeurs, Einstein ne peut guère aspirer à des postes universitaires. Après une période de chômage, il demande la nationalité suisse et occupe, dès 1902, un emploi d'expert à l'Office fédéral des brevets de Berne. Son emploi du temps lui permet de se pencher sur des travaux de physique, matière pour laquelle il se passionne toujours. Après son mariage avec Milva Marić, en 1903, il poursuit les recherches qui lui tiennent à cœur. Celles-ci aboutissent à la rédaction de 4 articles fondamentaux et révolutionnaires, publiés au cours de l'année 1905, dans la revue allemande Annalen der Physik. Après avoir fourni des explications théoriques de l'effet photoélectrique, nature de la lumière, puis du mouvement brownien, mouvement moléculaire, Einstein s'attarde sur l'un des grands problèmes physiques de l'époque. En effet, entre les théories contradictoires de la mécanique classique de Newton, et de l'électromagnétique de Maxwell, la discipline se trouve dans l'impasse. Intitulé sur l'électrodynamique des corps en mouvement, l'article d'Einstein apporte enfin la solution pour concilier les deux hypothèses. Pour cela, le physicien part de deux principes, la vitesse de la lumière est constante dans le vide, quelle que soit sa source, les lois physiques de la relativité s'appliquent de la même façon dans un référentiel inertiel, c'est-à-dire dans un milieu constant, sans accélération ni changement de direction, deux référentiels sont en mouvement rectiligne uniforme l'un par rapport à l'autre. Ces deux conditions posées, il peut alors prouver que l'espace et le temps sont relatifs à chacun des repères inertiels des observateurs. C'est la théorie de la relativité restreinte. Il la complète un peu plus tard, par un quatrième article dans lequel il présente sa formule E égale à mc, permettant de traduire une équivalence entre la masse et l'énergie, c étant la vitesse de la lumière dans le vide. Cette relation aura de nombreuses applications et conséquences, tant sur le plan théorique que pratique, notamment en physique nucléaire. Dans un premier temps, ses travaux ne font pas l'unanimité, mais lui ouvrent la voie de la reconnaissance scientifique. Il obtient d'ailleurs une habilitation à l'université de Berne en 1909 puis un poste d'enseignant à l'université de Zurich en 1910. Vers la relativité générale. Comme son nom l'indique, la relativité restreinte ne peut pas s'appliquer de manière générale. Aussi, dès 1907, Einstein consacre une grande partie de ses recherches à proposer des explications qui ne s'appliquent pas au seul cas d'un référentiel inertiel mais en toutes circonstances. Toutefois, de tels travaux nécessitent des connaissances particulièrement poussées en mathématiques, lesquelles lui font défaut. À partir de 1912, il enseigne à l'école polytechnique de Zurich, et rencontre l'un de ses anciens camarades, Marcel Grossmann. Grâce à l'aide scientifique de ce dernier, Einstein peut enfin progresser dans ses recherches. Malgré une erreur qui le paralyse pendant 3 ans, il parvient finalement à élaborer une théorie concrète. Il prétend alors qu'au sein du phénomène de gravitation, la masse influe sur les propriétés géométriques de l'espace-temps. Autrement dit, la masse déforme une localité de l'espace. Tout corps approchant de cette masse est alors affecté par la déformation qu'elle provoque. Einstein publie sa théorie de la relativité générale dès 1916, mais ne convainc pas tout de suite les physiciens, qui lui reprochent entre autres le caractère philosophique de ses travaux. Il faut attendre l'éclipse de 1919, et les travaux de l'astronome britannique Arthur Eddington pour rendre ses conclusions plus crédibles. Les observations d'Eddington montrent en effet que les rayons lumineux des étoiles sont déviés par la masse du Soleil. L'événement marque alors le début de la consécration scientifique d'Einstein, dont la popularité ne va cesser de croître. L'engagement politique, Le physicien est aussi un homme engagé, qui se fait le défenseur de la paix. Il a soutenu sa cause tout au long de la Première Guerre mondiale. Aussi, après avoir reçu le prix Nobel de physique en 1921, il n'hésite pas à profiter de sa popularité grandissante pour affirmer ses idées, notamment pacifistes et sionistes. Einstein devient l'une des cibles favorites des médias, mais aussi celle des persécutions raciales. Lorsqu'Hitler accède au pouvoir en 1933, le physicien quitte son pays natal et se rend à Princeton, aux États-Unis. Bientôt, la Seconde Guerre mondiale éclate, et Einstein est effrayé à l'idée que les nazis puissent élaborer une arme nucléaire. Aussi, en 1939, il signe une lettre destinée au président américain Roosevelt, afin de le convaincre de lancer un projet de construction de la bombe atomique. Ce courrier joue un rôle important dans la mise en place du projet Manhattan. S'étant détourné de ses convictions pacifistes par peur du nazisme, Einstein se reprochera son intervention durant le reste de sa vie. Il était d'ailleurs revenu sur ses pas en 1945, sommant le président d'abandonner l'arme atomique. Après la guerre, il s'efforcera de lutter pour le désarmement international, et intégrera le comité d'urgence des savants atomistes, la physique classique et la théorie quantique. Par ses travaux sur l'effet photoélectrique, et ses conclusions sur la lumière, à la fois en des particules, Einstein a également contribué à lancer la théorie quantique. Pourtant, il s'oppose à ses principes probabilistes, affirmant que Dieu ne joue pas aux dés. Se heurtant à la jeune génération de physiciens représentés notamment par Pauli, Heisenberg et BOHR, Einstein tentera jusqu'à sa mort de concilier sa vision déterministe du monde avec les conclusions modernes de ses jeunes pairs. Le 18 avril 1955, Albert Einstein est victime d'une rupture d'anévrisme, et meurt à l'âge de 76 ans. Considéré comme le dernier représentant de la physique classique, il a sans conteste révolutionné la discipline. Tout en conciliant engagement politique et recherche scientifique, il a permis de sortir la physique de l'impasse grâce à sa théorie de la relativité restreinte, puis de lui donner un nouvel élan avec ses conclusions sur la relativité générale. Au travers de ses recherches, il a également ouvert la voie à la physique nucléaire, et à la physique des particules élémentaires. D'une renommée internationale, Albert Einstein laisse derrière lui une image mythique du scientifique. Thank you. liquide, visqueux et rouge, le sang est propulsé dans nos vaisseaux et irrigue l'ensemble de notre corps. À l'origine de cette impulsion, le cœur, cette pompe cardiaque est en réalité un muscle qui, en se contractant, impose son rythme à la circulation sanguine. Le cœur, qui comporte 4 cavités, éjecte le sang oxygéné par le ventricule gauche. Ce sang se jette ensuite dans la plus grosse artère de notre corps, l'aorte. En forme de crosse, l'aorte traverse le thorax, l'abdomen, avant de se diviser en 2 branches terminales, les artères iliaques, destinées à irriguer les jambes. Pour mieux comprendre le cheminement du sang, nous avons assisté à une dissection sur un sujet décédé. Chaque organe du corps est vascularisé. Tout ce qui vit a un apport artériel et un drainage veineux. Sauf les poils, la barbe, etc., c'est pas vascularisé. Tout ce qui vit est vascularisé. Tout ce qui n'est pas vascularisé est mort. Tout au long de son parcours, le sang artériel distribue l'oxygène à tous les organes. Il rejoint finalement les veines, ici en bleu, par l'intermédiaire de tout petits vaisseaux, les capillaires. Grâce aux veines, le sang reprend son trajet dans le sens contraire de celui des artères. Il remonte jusqu'au cœur. Au total, notre corps comporte 96 000 km de veines et d'artères. Ces vaisseaux présentent des débits sanguins différents. Le sang veineux se diffuse lentement, alors que le sang artériel est pulsé et synchronisé au battement cardiaque. La veine, vous voyez ici, elle est transparente, toute fine. L'artère ici, la paroi est beaucoup plus épaisse. Si je la coupe, voilà, donc là vous voyez la paroi veineuse et l'intérieur d'une veine. C'est tout fin, c'est tout flasque. Ici la paroi de l'artère, la paroi artérielle est beaucoup plus épaisse. Pour ramener le sang vers le cœur et éviter qu'il ne stagne au niveau des pieds, les veines sont munies de 2 systèmes pour annuler l'effet de la gravitation. Il y a tout le système de contraction musculaire, la marche, la chasse veineuse qui propulse le sang veineux vers le cœur. Et puis l'autre système, pour éviter qu'il redescende, il y a des valvules qui sont des valvules ventiretour. C'est la même chose qu'en plomberie, c'est exactement le même système qui évite que le sang, par gravité, descende du cœur vers les jambes et soit propulsé par la chasse musculaire et monte vers le cœur. Une fois dans le cœur, les veines apportent le sang jusqu'aux poumons. Là, le sang sera débarrassé de son excès de CO2 et enrichi en oxygène. Le circuit peut recommencer. Ils étaient 20 et 100, ils étaient les milliers. Nous aimaient tremblant dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Ils se croyaient des hommes, n'étaient plus que des nombres. Depuis longtemps, leurs dés avaient été jetés. Et que la main retombe, il ne reste qu'une ombre. Ils ne devaient jamais plus revoir un été. La fuite monotone et sans hâte du temps. Survivre encore un jour, une heure, obstinément. Combien de tours de roue, d'arrêt et de départ qui n'en finissent pas de distiller l'espoir. Il s'appelait Jean-Pierre, Natacha ou Samuel. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils voulaient simplement ne plus vivre à genoux. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez, en regardant au loin, en regardant dehors. Votre chair était tendre à leur chien policier. On me dit à présent que ces mots n'ont plus cours, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est de taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine, aujourd'hui c'est l'été. Je twisterais les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Thank you.

le sous-préfet a pris un arrêté, donc nous intimant de partir à 9h le 24. Le jour de Noël. Le jour de, enfin la veille de Noël, alors qu'on aurait, à la limite, on savait qu'on pouvait être délogé, mais on aurait bien aimé qu'il respecte cette trêve de Noël. Tous les jours, il y a un planning, et donc tous les jours, on prévoit, normalement, s'il y a deux femmes, on met un homme, et quelquefois deux femmes avec un chien. Enfin, voilà. Mais oui, vous savez, on a de tout qui vient traîner la nuit, hein, un petit peu faunesque quand même. Moi, il m'appelle mamie, parce que moi, si vous voulez, je suis plutôt l'intendante. La recherche du bois, manager un peu les marchandises qu'on nous a données en masse, parce que les gens ont été d'une générosité absolue, à tel point qu'on a rebaptisé ce rond-point, le rond-point de la solidarité. On est une grosse trentaine en atomes, et on a nos électrons d'après-midi, nos électrons de matin, enfin, et même les électrons de nuit, ceux qui travaillent et qui viennent dire leur rancœur pendant la nuit. Ça donne des discussions qui sont très constructives. Moi, je me bats pour mes neveux, mes nièces, mais voilà, les enfants, les femmes ici qui travaillent avec des horaires en horaires décalés pour des salaires de misère, quoi. Des intérimaires qu'on paye moins qu'un SMIC, c'est quand même tout ça. Il y a quelque chose qui n'est plus logique dans cette société. Si vous voulez, moi, je ne comprends pas qu'on puisse se battre pour une bouteille de Pétrus avec des millions d'euros pendant qu'on donne 458 euros à quelqu'un et qu'on lui dit c'est en tout et pour tout ce que tu pourras avoir. Et qu'on ne veut pas relever les minima sociaux. Et qu'on nous raconte qu'un SMIC a augmenté de 100 euros alors que c'est absolument faux. Mais qu'un député convoque la presse pour nous démontrer que c'est vrai ce qu'il nous raconte. Enfin, tout ça, ça amène une colère, mais une colère folle. Et de plus, avec cet arrêté, évidemment, la colère, elle est encore pire. Là. Vous êtes évacué le 24. On a une solution de repli, madame. Parce que vous pensez bien qu'on ne veut pas se laisser faire. C'est pas parce qu'on va nous évacuer de ce rond-point, c'est-à-dire sur le rond-point, qu'on ne sera pas autour du rond-point. C'est un domaine public, on a le droit d'y être. Eh bien, ce qu'on est en train de faire là aujourd'hui, c'est-à-dire des actions sympathiques, à donner des bonbons pour expliquer aux gens et avoir leur ressenti, parce qu'aussi il faut avoir leur ressenti. Certains nous disent vous n'avez plus rien à faire sur ce rond-point, vous avez tout gagné, mais on n'a rien gagné du tout. On n'a gagné que des bouts de miettes, de rien du tout. Je pense que ce qui manque là-haut, en fin de compte, ils sont un petit peu trop instruits et pas assez intelligents. Nous avons l'intelligence, nous le peuple. L'instruction et l'intelligence, c'est deux choses bien différentes. Je travaillais dans le temps, on avait une entreprise derrière. On faisait de l'injection plastique. C'est une entreprise qu'on a récupérée en fin de compte de mon beau-père. Et mon beau-père me disait, dans le temps, je travaillais 4 mois pour l'État et 8 mois pour moi. À la fin, on travaillait carrément à l'envers. C'est-à-dire, on travaillait 8 mois pour l'État et 4 mois pour nous. Monsieur Macron, il peut dire ce qu'il veut. Il a le droit. C'est le président de la République, on est d'accord. Mais nous, ici, on préside ensemble. On s'occupe de tout ensemble. On est tous d'accord en même temps. Quand on dit on se déplace, on se déplace. Si on va là-bas, on ira là-bas. Si on veut boucher, on bouchera là-bas. On ne peut pas nous interdire d'être sur la route. Vous comprenez bien, on est des gens libres. D'abord, la liberté en France, c'est l'interdiction, l'obligation, la soumission. Qu'est-ce qui nous reste en liberté? On n'a plus de liberté en France. On va être dans les livres d'histoire bientôt. Dans les livres d'histoire, on va être entre Henri IV et puis je ne sais pas quel imbécile qui viendra derrière. Mais on sera entre les deux, nous. Aujourd'hui, en marchant dans la rue, je ne baisserai plus la tête. Je regarderai tout le monde. Parce que pour moi, tout le monde, tous ces gens-là ont un cœur. Ils ont un cœur tellement important qu'on ne peut plus baisser les yeux maintenant. On comprendra pourquoi ils baissent les yeux. Parce qu'ils sont dans la tristesse. Ils sont dans le malheur. Ils n'ont rien, madame. Mais moi, aujourd'hui, je les regarde. Je peux le regarder en face. Regardez bien. Je vais l'embrasser, madame. Et voilà. C'est tout simple. À partir du moment que ça vient du cœur, on embrasse. On ne s'occupe pas de ce qu'il est. À l'intérieur de ça, il y a un cœur. À l'intérieur de ça, il y a un cœur. À l'intérieur de ça, il y a un cœur. À l'intérieur de ça, il y a un cœur. Là, il y a un cœur. Soyons d'abord humains. Ben moi, je suis expérimentée sur l'intérim. Donc on préfère que nous, on l'ait, que ce soit nous qui le démontions et qu'on était là pour le construire. Donc on veut le faire nous-mêmes et faire ça pacifiquement au lieu de faire ça dans la violence et attendre qu'il soit là et qu'il casse tout. Malgré que ça nous fait mal au cœur de démonter parce que cette solidarité s'est mise, l'entraide d'entre nous. Donc c'était un peu un petit point de chute pour tout le monde. Donc on préfère que ça soit nous qui le fassions. On a toute la petite larme hein, de toute façon parce que c'est vrai qu'on a rencontré des gens super. Il y a une solidarité entre nous qui s'est faite. Il y en a, on ne se connaissait même pas. Donc d'autres, on se voyait comme ça aux écoles ou dans les magasins. On ne s'est jamais parlé plus que ça. C'est qu'ici, c'est un peu une famille qui s'est faite. Donc forcément, avoir tout ça démonté, c'est triste. Et moi, c'est Hugo. Je suis vidéaste indépendant et je suis là parce que je me sens concerné directement en fait par ce qui se passe. Et si vous voulez, j'ai pas de raison personnelle de par mes questions financières. J'observe cette société qui toujours creuse les inégalités. Et là aujourd'hui, moi j'y croyais plus. On voit les gens qui sortent et qui sont prêts à se défendre en fait, à essayer de se battre, notamment dans ce genre d'enfants pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Et puis il y a l'enjeu climatique aussi. Tout ça finalement c'est lié, c'est les mêmes causes. Et moi je me suis senti trop concerné, j'ai quitté Paris, je suis parisien. J'ai dit en fait je prends ma place à Paris là, il faut que je descende voir les gens par ma région natale, quoi. Les gens avec qui j'ai grandi, même si je ne les connais pas toutes personnellement, aller rejoindre sur les ronds-points. Le camp est en train d'être évacué à l'heure où on se parle, qu'est-ce que vous ressentez? Beaucoup de tristesse, puis une forme de colère, pas de colère contre Macron spécialement, mais une colère contre ce système qui écrase encore les faibles et qui écrase les gens qui se battent, même là dans une belle volonté. Ici, c'est de l'échange en fait. On n'est pas sur un truc de blocage, on n'est pas sur un truc de forcer les gens à quoi que ce soit, juste sur de l'échange, un lieu de rencontre, de transmission. Moi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. On continue en fait, que c'est pas parce que là j'ai bien vu l'objectif de communication, vu que je travaille là-dedans, je vois bien de quoi il s'agit, de dire vous voyez à Noël ils rentrent tous chez eux. Et non, à Noël les gens rentrent pas chez eux et au Nouvel An non plus. Les gens ils sont soudés et ils continuent. Sous la pluie, hein, samedi dernier, il faisait température négative, puis hiver glaçante, et malgré tout on continuait, ça s'arrêtait pas. Moi, je ne suis pas quelqu'un de violent. Hein. Je ne suis pas quelqu'un de violent. Aujourd'hui, je suis exaspéré. J'en ai marre. Ça fait 50 ans, ben voilà, je vous dis. Moi, j'arrive à la fin de ma vie. Et ben, quand je vois comment on est aujourd'hui, ben, excusez-moi, c'est parce que je m'en sers. Les riches, ils sont toujours plus riches. Les politiques, ils sont soumis à l'argent. Hein? Et l'argent, qu'est-ce qui nourrit le peuple? C'est pas les riches qui nourrissent le peuple, c'est la classe moyenne. C'est qui nourrissent tout le monde. En gros, c'est la classe moyenne. Et qui paye les impôts et voilà. Mmh. On ne prend pas aux riches pour donner aux pauvres. Hein. Faut pas croire. Hein. Je peux parler, je suis mécanicien. Hein. Les gens, ils peuvent plus. Ils sont obligés de passer par le garage. Le garage, c'est une fortune. Les pièces sur les voitures, les pièces électroniques, c'est une fortune. Hein. Au bout de 5 ans, la voiture, elle vaut zéro. Parce que la voiture, c'est pour faire de l'argent. C'est pas la pollution, c'est pour faire de l'argent. Regardez ce que j'ai écrit là. La vraie pollution, elle est là, la vraie pollution. Elle n'est pas là. Hein? Tchernobyl, Fukushima, Nagasaki, elle est là. Vous savez qu'aujourd'hui, on creuse la Terre à 500 mètres de profondeur pour cacher les déchets nucléaires. Vous trouvez que c'est normal? Ça, c'est pas de la pollution. C'est une pollution blanche, une pollution éternelle. Vous trouvez que c'est normal? Et nous, avec notre petite 306, notre petite voiture, on va nous obliger à payer la pollution. La pollution, elle n'est pas là, monsieur. La pollution, elle n'est pas là. Hein? Qu'on fasse quelque chose de propre. Je pense qu'il faut trouver des solutions propres. Peut-être les transports en commun. Multiplier les transports en commun. Peut-être, je sais pas, moi, peut-être. Hein? Après, moi, je ne suis pas... je ne suis qu'un petit pépère. Hein. Je me bats, peut-être que ça va me faire crever. Et pourtant, j'ai envie de me battre encore. Parce que je me bats pas pour moi. Moi, j'arrive à l'aube de ma vie. Hein? À l'aube de ma vie, bon, mais je me bats pour...

et c'est Terry Coquerel, l'invité. Bonjour, merci Bonjour. D'être là, député de Seine-Saint-Denis. On va commencer tout de suite par ce feuilleton qui a commencé lundi dernier. Il s'agit du feuilleton Benalla, oui, non, au Tchad. Pour qui, l'Élysée ou pas, retour en sujet avec les derniers rebondissements de ce matin. Alexandre Benalla qui met en cause l'entourage du chef de l'État en disant « Je n'étais pas émissaire et on ne voit pas pourquoi certains pourraient balancer au monde en toute impunité. » Écoutez. Selon les informations du Monde, lors de son déplacement à N'Djamena, Alexandre Benalla était accompagné d'une demi-douzaine de personnes. Il se serait rendu sur place en avion privé et aurait notamment payé son séjour dans un luxueux hôtel en carte bancaire. Avant de quitter le Tchad le 4 décembre, l'ancien chef de cabinet adjoint d'Emmanuel Macron aurait rencontré Oumar Déby, le frère du président tchadien. Il est à la tête de la direction générale de la réserve stratégique du pays. Le mis en cause dément ce matin. Alexandre Benalla parle de rumeurs diffamatoires et précise qu'il ne peut pas accepter de tels propos prononcés par certaines personnes de l'entourage du président de la République. Côté Élysée, on préfère se prémunir dans un communiqué. Quelles que soient les démarches qu'entreprend M. Benalla, il n'est pas un émissaire officiel ou officieux de la présidence de la République. S'il se présentait comme tel, il est dans le faux. L'Élysée va même plus loin et rappelle que seul le ministre des Affaires étrangères ou la cellule diplomatique peuvent recevoir un mandat du chef de l'État. Éric Coquerel, je vous vois acquiescer, sceptique. Qu'est-ce qui se lit sur votre visage ? Je vous entendais parler de feuilleton, c'est plutôt une très mauvaise série, mais ça date depuis juillet. Parce que, j'écoute, Benalla était le 1er mai à une manifestation, il nous explique en tant qu'observateur. On le voit avec une radio, taper des manifestants à la contre-escarpe, taper des manifestants au Jardin des Plantes, manifestement même suivi par des policiers qui manifestement n'osaient pas lui désobéir au mieux. Et là, cette fois-ci, on le retrouve avec un jet privé au Tchad où il rencontre des sommités. On nous dit qu'il dépense, il vient gérer des affaires pour 250 millions d'euros. Je me dis que M. Benalla, c'est une personne qui compte pas, mais qui est toujours là où il faut pas, quoi. Bon, moi, ce que c'est assez incompréhensible. J'espère qu'on aura un jour la vérité sur cette affaire. Il nie les faits. Bon, il a nié déjà d'autres faits qui sont avérés vrais. Donc, vous me permettrez de mettre en doute sa parole. Il nie les faits, pour être exact, et il met en cause le proche entourage, hein, on le cite, du chef de l'État, comme étant des sources du Monde, notamment pour faire ce papier sur sa présence. Moi, ce que je constate, c'est une chose. Vous savez, lundi, il y a des gens qui sont passés en comparution directe des manifestants des Gilets jaunes, d'accord ? Je connais notamment un jeune couple de 20 ans qui a pris 6 mois de prison avec sursis, 3 mois d'interdiction civique, familiale, etc. Et là, je vois quelqu'un qui est mis en examen, je ne sais plus à combien de mises en examen il a, hein, plusieurs, et qui se retrouve au Tchad en train de négocier des affaires avec des sommités africains. Je me dis que déjà, il y a deux poids, deux mesures. Comment ça se fait que ce personnage peut faire tout ça avec les accusations qui sont sur lui ? Déjà, c'est une question que je pose. Et j'allais dire qu'un jour, j'aimerais bien connaître la vérité. Quand le chef de l'État dit que, bien évidemment, il, pour les affaires étrangères, il ne passe que par le Quai d'Orsay ou par les services officiels de l'Élysée, je me permettrais quand même de répondre que, pour sa sécurité, il est bien passé par des gens comme M. Benalla, qui n'est ni policier ni quoi que ce soit. Ça, c'est les faits prouvés, ce que je vous dis là. C'était pas, ça s'est révélé à la commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Il avait une responsabilité de sécurité. Donc, tous les doutes sont permis. Voilà, sur cette affaire. Je peux pas en dire plus, j'ai pas les faits. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est que toutes les interrogations sont permises. Mais attendez, pour être très clair et correct, est-ce que vous pensez que cette suspicion qu'Alexandre Benalla ait pu être un émissaire officiel ou officieux, est-ce que vous pensez que c'est une possibilité? Est-ce que vous y croyez? Si M. Benalla n'avait pas été dans les services de sécurité de l'Élysée, d'accord, participant à des réunions stratégiques sur la sécurité du chef de l'État, intervenant en dehors du chef de l'État, je pense notamment à l'épisode connu de l'avion des Bleus qui atterrit, intervenant quasiment en donnant des ordres à des policiers alors qu'il n'en a ni les fonctions, qu'il n'a aucun lien avec le ministère de l'Intérieur. Si tout ça n'avait pas existé, j'aurais pas de doute. Mais tout ça ayant existé, bon, je pense qu'il va falloir aller plus loin. Je ne porte aucune accusation. C'est quoi aller plus loin pour vous? Il va falloir continuer à enquêter. S'il était au Tchad, qu'est-ce qu'il faisait au Tchad? Excusez-moi, mais vous êtes quelqu'un qui a plein de mises en examen. Vous allez gérer des voyages d'affaires au Tchad pour 250 millions d'euros avec une carte bleue, une demi-douzaine de personnes dans un jet privé. Enfin, chacun comprendra que c'est quand même très étonnant. Donc, et manifestement, en plus, moi, ce qui m'étonne chez M. Benalla, c'est la façon dont il répond à l'Élysée. Vous avez remarqué, c'est-à-dire que c'est toujours de manière très offensive. C'est un personnage vraiment obscur. Il y a toujours eu des personnages obscurs dans les relations entre la France et l'Afrique, malheureusement. Là, c'en est un. Je ne vais pas plus loin, parce que je n'ai pas de fait, encore une fois, c'est d'après le journal Le Monde, etc. Donc il faut que l'enquête se poursuive. Mais disons que vous allez demander, parce que pour l'instant, il n'y a pas d'enquête judiciaire sur le dossier. En tant que parlementaire, vous allez demander des éclaircissements sur ce dossier. Vous savez, ce qu'on nous aurions aimé, c'est que la commission d'enquête parlementaire puisse se poursuivre si elle n'avait pas été arrêtée brutalement par les responsables d'En Marche, qui est notamment la présidente de la commission d'enquête. Bon, on n'a pas pu malheureusement poursuivre, contrairement au Sénat qui peut le faire. Mais c'est vrai, vous avez une bonne idée. C'est une bonne idée. Il faudrait qu'on demande la réouverture. On va voir ça à la rentrée. Tiens. Après, je vous la laisse. Éric Coquerel, on va parler de violence. Vous avez parlé de comparution d'un couple qui a été condamné. Est-ce qu'aujourd'hui, les dérives racistes, antisémites, que l'on a pu voir en marge des Gilets jaunes quand un fonctionnaire de police en est contraint, quoi qu'il se soit passé, de sortir son arme de service, au-delà de tout ça, est-ce qu'à votre avis, justement, ça pose un problème sur ce mouvement aujourd'hui ? Mais vous savez très bien, enfin, on peut tout faire avec les images. Je vous donne un exemple, d'accord ? On peut faire en sorte que, par exemple, sur la manifestation des Gilets jaunes qui s'est déroulée à Montmartre, samedi matin, où j'ai plein de témoins, des gens que je connais, qui étaient notamment des gens qui sont proches de France Insoumise. On peut faire en sorte, par exemple, de montrer des dizaines et centaines de manifestants en train de chanter le chant des partisans, le vrai chant des partisans, et en train de chanter le chant de la commune. Ou alors, on peut mettre en boucle d'images d'Isolie Brius, que je condamne absolument. Voilà, non, mais c'est en cela. Donc, ce que je vous... Oui, mais attendez, ils ont existé. Ça a quand même son importance. On sait très bien depuis le début que le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement qui est hétéroclite, qui est un mouvement populaire, et qui, à l'intérieur de ce mouvement, parfois, c'est une phrase de Ruffin, mais je suis assez d'accord avec lui, parfois il y a le pire, mais il y a surtout le meilleur. Le pire, c'est évidemment ceux qui, justement, l'utilisent pour diviser le peuple, pour faire du racisme, de l'antisémitisme, voire pire. D'accord ? Et vous admettez, qu'il y a une radicalisation du mouvement, images-là ? Non. Ça, je pense que ça, c'est une utilisation de ces images-là. Je vais vous dire une chose. Je pense que des groupuscules d'extrême droite qui ont été dans les Gilets jaunes, depuis le début, il y en a quelques-uns qui ont d'extrême gauche aussi. Attendez, laissez-moi. D'extrême. Non, parce que je vous fais remarquer qu'au tout au début, rappelez-vous, quand on a parlé du mouvement des Gilets jaunes, d'accord ? La ligne de défense des gens qui étaient contre ce mouvement, ça a été de dire, en réalité, c'est l'extrême droite qui est derrière, etc. Je me souviens très bien. Bon, ça s'est avéré faux, d'accord ? Ce mouvement est beaucoup plus large. Sur les premières manifestations, vous êtes d'accord avec nous, qu'il y avait l'ensemble de ces mouvements au cours de la journée. C'était quelques groupuscules, ça ne représentait pas. Et d'ailleurs, le préfet de police l'a remarqué dans l'analyse des événements qui ont lieu. Ça ne représentait pas du tout, la très large majorité de ce mouvement, d'accord, qui n'est pas lié à ces groupuscules et dont d'ailleurs les thèmes, que ce soit sur l'injustice fiscale, sur les privilèges, sur la question de la démocratie, ne sont pas les thèmes de l'extrême droite. Donc mettons ça de côté. Ça, je pense que c'est quelque chose qui est fait, pour déprécier ce mouvement. Et ce week-end, on a eu vraiment une avalanche là-dessus. Parlons des images dont vous me parlez. Je condamne, évidemment, je ne suis pas d'accord. Je pense que la violence n'est jamais la solution, même si vous remarquerez avec moi que des insurrections du niveau du mouvement des Gilets jaunes, je prends par exemple mai 68, il y a toujours eu quelques débordements violents et vous apercevrez qu'aujourd'hui... Vous comparez le mouvement des Gilets jaunes à mai 68 ? En termes d'ampleur historique, oui, bien sûr. En termes d'ampleur historique. Mais mai 68, aujourd'hui, ça n'empêche pas tout le monde d'essayer de le récupérer, y compris même en célébrant les images, presque en les folklorisant un peu, des violences d'affrontement. Pourtant, c'était assez violent, entre la police et les manifestants. Donc aujourd'hui, quelque part, on utilise ça pour faire en sorte de déprécier ce mouvement. Ce mouvement, on pensait samedi dernier qu'il était terminé. C'était ça l'idée. Le chef de l'État avait donné des mesures, tout ça s'arrêtait, il fallait que l'ordre reprenne son chemin, etc., etc. Ça s'est pas passé. Il y a eu des dizaines de milliers de personnes qui ont été sur les ronds-points, y compris hier Noël, etc. Ce mouvement continue. Donc, je trouve qu'à un moment donné, excusez-moi, mais je parlerai là de propagande de la part du gouvernement, je pense que l'utilisation de certaines images, que je condamne, évidemment, la quenelle, vous imaginez bien que c'est à rebours de toutes les valeurs. Les propos antisémites, etc. également. L'effigie d'Emmanuel Macron décapité, ça vous a choqué ça, ou pas Mais moi, vous savez, je suis pas quelqu'un de violent, donc tout ça me choque. Mais on utilise à un moment donné des images très violentes. Prenons les policiers. Moi, je suis pour aller jusqu'au bout. Les trois policiers, les trois motards. Pourquoi les trois policiers et motards? Parce que maintenant, on a toutes les images. Pourquoi se retrouvent-ils à un moment donné, alors qu'ils ne font pas partie des forces, organisées de CRS ou de gendarmes en train d'organiser la sécurité? Pourquoi se retrouvent-ils sur le côté de la manifestation en train de lancer des grenades par rapport à des gens qui marchent? Bon. La réaction parce vient que, de là. En fin je alors, ça va être long avec... à vous dire, oui. Mais parce qu'en fin de compte, en matière de maintien de l'ordre, ils sont partis en appui de CRS qui sont en train de monter. Il semble c'est que très ça compliqué. Serait intéressant de savoir parce que. Bah, on le sait. Ça a été dit sur le fait. Mais d'accord. Après, J'ai envie de vous dire, mais peu importe, globale. Arriver à ce qu'un fonctionnaire de police, pour se défendre par peur ou parce que ça se fait, sorte son arme de service, heureusement par sang-froid, ne s'en serve pas et le tire, c'est quand même, ça pose question. Mais bien sûr, mais je vous dis simplement que nous sommes dans un événement historique dans lequel, effectivement, il y a quelques débordements violents, d'accord ? Il y a des blessés parmi les policiers. Et je réprouve absolument ces blessés, mais il y a aussi beaucoup, des centaines. Il y a une analyse du Monde qui est sortie, dans le Monde, qui est sortie il y a quelques jours, qui montre que, même justement, comparativement à mai 68, sur une durée moins longue, le nombre de blessés dans ce mouvement, y compris de blessés graves, est extrêmement important. Donc, quelque part, nous sommes là devant un événement historique. La violence n'est jamais la solution, mais moi, je ne suis pas d'accord pour qu'on l'analyse. Vous n'êtes pas d'accord avec Yannick Jadot, qui dit que, justement, vous avez des problèmes. À travers cette violence, et que l'on méconnaisse aussi, laissez-moi aller jusqu'au bout, que l'on méconnaisse aussi le fait qu'on utilise une répression de plus en plus forte, et ce n'est pas les policiers, en l'occurrence, que j'accuse, c'est les ordres politiques qu'ils font pour intimider tous les mouvements sociaux. Ça a été vrai sur la SNCF, ça a été vrai sur le mouvement du travail, c'est vrai maintenant avec les gilets jaunes. On va essayer de crever l'abcès, en tout cas, de certaines attaques dont vous faites partie. Je le disais, Yannick Jadot qui dénonce les ambiguïtés des membres de la France insoumise. Exemple, François Ruffin à l'Assemblée nationale qui cite Étienne Chouard. C'est une bêtise, fallait pas le faire, c'est une erreur, faut le condamner. Non, moi j'ai dit que je n'étais pas d'accord. Je pense que c'est une maladresse de François. François pense qu'il l'a écrit. Maladresse. Oui, Chouard, parce qu'il pense. Oui, parce que proche quand même de Soral. Justement. On est sur des thèses révisionnistes. Ça pose justement, problème. Donc moi, je ne dirais pas que Étienne Chouard est le à l'origine de tout ce qui se passe au niveau du référendum d'initiation citoyenne, ne serait-ce que parce que nous l'avions dans notre programme. Bon, et donc à partir de là, je serais plus que prudent. François estime que Chouard a changé. J'ai vu un interview de Chouard dans la Provence récemment. Il le dit. Bon, je pense que ça doit le moins qu'on puisse dire, c'est que il faudrait un peu plus de preuves et de démonstrations. Donc je ne citerai pas Chouard. Mais quand je vous dis ces maladresses, c'est que moi je ne pense en aucune manière. François Ruffin est quelqu'un qui céderait l'antisémitisme proche de Soral ou autre chose. Il le condamne, il l'a condamné à longueur d'article dans Fakir. Donc ne lui faisons pas le procès de ce qu'il ne dit pas. Et c'est pour ça que je vous parle de maladresse, parce que je pense qu'il ne fallait pas citer Chouard à ce moment-là. Même dans votre propre parti, en l'occurrence Clémentine Autain, la députée France Insoumise, qui parle dans un tweet de, je cite, des dérives rouge-brun. Est-ce que ça, c'est un risque, cette dérive? Voilà, on voit le tweet, mais sans doute suis-je trop sensible aux dérives rouge-brun. En l'occurrence, elle réagissait aux propos de François Ruffin. Est-ce que ça, c'est un risque de dérive du mouvement des Gilets jaunes, une dérive rouge-brune? Non, je pense pas. Non, elle parlait pas du mouvement des Gilets jaunes, d'ailleurs. Je pense pas qu'il y ait un risque de dérive rouge-brune. Moi, ce que je constate dans le mouvement des Gilets jaunes, si on regarde le début et maintenant, c'est que, encore une fois, toutes les revendications, ce qu'ils portent, a des valeurs, entre guillemets, pour qu'on se comprenne bien, plus progressiste que ce qu'on pouvait penser au départ. Donc c'est d'ailleurs pour ça que nous soutenons et nous continuons à appeler à la mobilisation de ce mouvement et de tout ce qui peut s'engouffrer derrière. Il y a une remise en question de l'ordre libéral, une remise en question, j'allais dire, d'une république qui est vraiment peu de moins en moins démocratique. Et donc pour nous, c'est positif, ça n'a aucun rapport avec le rouge-brun. Après que là-dedans... mais excusez-moi, quand vous regardez les élections françaises, c'est un peu normal que dans le mouvement des Gilets jaunes, il y ait des gens avec lesquels je suis évidemment en désaccord. Je vous laisse finir, notamment un porte-parole ou porte-parole autoproclamé qui, sur Facebook... Comme vous avez dit, autoproclamé. Appelle à la guerre civile, on appelle à l'armée. Un peu de responsabilité, non ? Oui, d'accord. Voilà, vous l'avez fait, vous venez de le faire. Mais moi, je ne suis pas élu de la République. Non, mais bien sûr. Enfin, écoutez, comment voulez-vous que je sois d'accord avec des appels, soit à des choses extrêmement violentes, soit racistes, soit xénophobes ? Je n'ai pas dit que vous êtes d'accord ou pas. Je dis que vous êtes élu de la République. Et en plus, vous avez une responsabilité, bien sûr, donc, quelque part. Vous savez très bien que sur Facebook, si vous condamnez, ça a de l'importance. Mais bien sûr, je ne suis pas d'accord. Enfin, je ne sais pas lequel dont vous parlez, parce que je ne passe pas ma vie, heureusement, parce que sinon, on en deviendrait fou sur les réseaux sociaux, tellement il y a des choses violentes, y compris de la part de certains réseaux macronistes. Je le dis en passant, si vous regardez un peu tout ce qui se passe, c'est vraiment quelque chose. D'ailleurs, il faudrait un de ces quatre regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux, parce que la liberté d'expression, oui, mais jusqu'à... C'est plutôt depuis la crise des Gilets jaunes, un déversoir... Non, ça l'était bien avant, croyez-moi, c'est que vous ne regardiez pas avant, ça l'était bien avant. Donc là-dessus, bien évidemment, dans les Gilets jaunes, il y a de tout. Voilà. Il y a des minorités agissantes qui véhiculent des idées qui sont à rebours des miennes et des nôtres, donc celles-là, je les condamne, mais ce n'est pas, et encore une fois, je trouve que c'est méprisant vis-à-vis des Gilets jaunes, et j'allais dire prêt aussi une manière d'essayer de faire en sorte que tout ça rentre dans le rang. Ce n'est en aucun cas, j'allais dire, quelque chose qui représente le mouvement des Gilets jaunes, qui est un mouvement d'insurrection citoyenne, de contestation sociale, et dont j'espère qu'il va se poursuivre. Ce que je voulais juste dire, et je vais laisser la parole à Benjamin, c'est Éric Coquerel, c'est que si les politiques ont la responsabilité à un moment de dire quand ça va pas, ça va pas. Ça permet peut-être parfois de faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Benjamin. Éric Coquerel, voilà. autre sujet, dans les derniers sondages pour les européennes, la France insoumise est en légère baisse, hein, sondage Odoxa, 11,5%, alors que le Rassemblement national est en tête, hein, quelles que soient les hypothèses, avec ou sans liste des Gilets jaunes. Question simple, comment est-ce que vous expliquez que vous ne capitalisiez pas rejet d'Emmanuel Macron et sur cette crise sociale? Déjà, je ne passe pas si mal, parce que plusieurs mois avant les européennes, on est plus haut qu'on était au moment des présidentielles, ça s'est terminé à 19. Donc on verra bien la suite. Oui, mais ça plafonne et vous êtes beaucoup plus bas. Non, je vous réponds. En détail, puisque vous me parlez d'un sondage, d'accord ? Donc ça, c'est un sondage qui a été basé sur un laps de temps de 3 mois, d'accord ? Donc avant l'affaire des perquisitions. On sait très bien que l'affaire des perquisitions, vu le choc des images qui a été provoqué, c'est quelque chose qui nous a coûté. Donc à mon avis... Ça veut dire que l'attitude de Jean-Luc Mélenchon vous a coûté ? Non, je ne parle pas de l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, je vous parle de l'espèce de manipulation qui a consisté à envoyer plus de policiers que pour arrêter... le tueur de Strasbourg pour une organisation démocratique sur quelque chose qui était uniquement lié à des soupçons, par rapport à des emplois à Bruxelles et autres. Il y avait une démesure par rapport à ça. Ça vous a coûté. Mais qu'importe. Ce que je veux dire par là, c'est que ça nous a coûté, on le sait. Et donc, je ne pense pas qu'en réalité, comme c'était 3 mois avant les perquisitions, je ne pense pas qu'il y ait eu baisse depuis les perquisitions. Moi, de tout ce que je sens sur le terrain, de tout ce qui remonte des cotes de popularité aussi, hein, qui compte, où Jean-Luc Mélenchon remonte, par exemple, je pense plutôt que nous sommes à nouveau dans une dynamique qui va progresser. On le verra par la suite. Et je vous dis, assez pour combler les cas. Assez haut. Par rapport à des élections, on a terminé à 19 et on est la troisième force. Donc on verra bien la suite. Éric Coquerel, vous dites « j'espère que le mouvement des Gilets jaunes va se poursuivre ». Vous n'êtes pas sensible à cette frange des Français qui dit « laissez-nous travailler », à ces commerçants qui ont vu leur chiffre d'affaires baisser. Est-ce que c'est vraiment raisonnable de dire « il faut que le mouvement se poursuive » Regardez vos chiffres. Claire, moins 0,2. Moins 0,2, c'est la croissance. Regardez vos analyses économiques tout à l'heure. Vous savez, l'INSEE a sorti il y a peu de temps des tableaux. Bon, alors, si on veut imputer aux Gilets jaunes les mauvais résultats économiques de ce pays, là, ça sera fort de café. Parce que, en termes de pouvoir d'achat, en termes de consommation populaire, en termes de chômage, d'accord, tout va de mal en pis depuis début 2018. Donc, je l'imputerai plus à la politique de M. Macron qu'à l'action des Gilets jaunes. Oui, non, il y a quand même 40 000 emplois qui n'ont pas pu être pourvus à cause de cette crise. Oui, bien sûr. Le chômage a réaugmenté dans ce pays, le pouvoir d'achat. Le seul pouvoir d'achat qui augmente, c'est les 1% des Français les plus riches que M. Macron a avantagé avec la suppression de l'ISF ou la flat tax. C'est ça la réalité. Donc, la réalité, ce sont aussi ce que disent les économistes sur il y aura des répercussions. Non, mais ça serait paradoxal. Et de dire que des gens qui réagissent parce qu'ils n'arrivent plus à finir leur fin de mois seraient les responsables du fait qu'en France, on n'arrive pas à boucler ses fins de mois. Tout ça, je pense que c'est le gouvernement dit 0,1, l'INSEE dit 0,2. Ça n'est pas ce n'est qu'une partie infinitésimale du fait que la croissance est moins forte cette année, du fait de cette politique. Et donc, pour vous répondre, pourquoi je souhaite que ça continue? Et pourquoi je souhaite que derrière les Gilets jaunes s'engouffrent d'autres mouvements? Par exemple, les fonctionnaires qui n'ont pas d'augmentation du point d'indice à nouveau. Par exemple, les salariés qui sont victimes de plus en plus de plans de licenciement et autres. Par exemple, des professions, des chômeurs, par exemple, qui dans ce pays sont plutôt toujours plus maltraités. Eh bien, parce que je pense que la politique de M. Macron n'est pas une bonne politique pour le pays. Coquerel. Et manifestement, au moins les Gilets jaunes ont réussi déjà une partie. C'est qu'ils avaient des premières revendications, ils ont gagné. Donc, ils ont eu raison de se mobiliser. Éric Coquerel, dernière question. Vous dites les Gilets jaunes doivent s'engouffrer. Attention, ils s'engouffrent en politique, notamment aux européennes. Vous n'avez pas peur? Non, on verra bien. J'ai vu que le gouvernement souhaitait avidement qu'il y ait une liste Gilets jaunes à votre avis, devinez pourquoi. C'est donc la faute du gouvernement. Merci beaucoup. Je pense que ce mouvement a plus intérêt à continuer à se fédérer et à continuer à ouvrir la voie, c'est-à-dire d'une contestation sociale forte de la politique de ce gouvernement et même démocratique. Éric Coquerel, député de la France Insoumise de Seine-Saint-Denis, merci d'avoir été notre invité politique. Moins de taxes. Ou alors, moi, je veux bien payer des taxes, mais il faut qu'elles nous reviennent. danas su žuti prsluci ovako najaktuelniji u čitavoj Evropi, pa evo da i ovde u Domu Narodne skupštine Republike Srbije. Hoćemo normalno gorivo i ćete dobiti žute prsluke na ulicama Beograda. Vous avez un gilet jaune aujourd'hui, pourquoi ? Je suis de tout cœur avec les gilets jaunes. Je suis assez content du président Macron, dans le sens où il a rallumé la flamme de la résistance du peuple français. Et la flamme n'est pas près de s'éteindre, elle ne s'éteindra jamais. Et je pense qu'on sera tous là pour se soutenir les uns les autres. Il n'y a pas des choses que vous pourriez demander au président de la République qui pourraient passer, qui pourraient permettre de, bien sûr, de calmer cette colère ? Le référendum d'initiative citoyenne. Oh, d'enculé ! À partir d'un référendum d'initiative citoyenne, il pourrait faire tomber toutes les têtes qui font n'importe quoi dans le pays. Ça partirait des citoyens et ça redonnerait du pouvoir démocratique au peuple français. Est-ce qu'il y a d'autres demandes ? C'est vrai qu'on parle beaucoup de ces situations de vie qui sont parfois difficiles, fins de mois difficiles à boucler. Comment on peut faire en sorte pour que le pouvoir d'achat, selon vous, puisse remonter ? Du jour au lendemain, ça ne pourra jamais se faire. Depuis qu'on est rentré dans l'Europe, il y a eu 1 million de pauvres en plus en France. Depuis 10 ans, il y a 1 million de pauvres, de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Donc les 1 million, ils commencent à sortir dehors et ils n'en peuvent plus. Mais bon, l'ensemble de la dette est illégitime de toute façon, puisque au final, ça fait depuis 1900, ça fait depuis les années 70 qu'ils n'arrêtent pas de coller des rustines, simplement parce qu'on n'est plus, maître de notre monnaie, on n'est plus maître de notre. On n'est plus souverain. Exactement. Et ça suffit. L'escroquerie, c'est quand même lui au pouvoir, parce qu'il a été élu comment ? Avec les lobbies, hein. C'est exactement ça. Sarko, Chirac, c'est 30 ans, hein. Macron, c'est pas que toi, hein. Toi, tu continues. Alors, tu vas arrêter de bosser pour l'Europe, pour Juncker, là. Moi, je le dis, Juncker, là, qui est dans son grand château. Parce que moi, j'appelle le peuple européen à se relever. L'Europe. Toute l'Europe. Les Allemands, relevez-vous. Tout le monde, relevez-vous, parce qu'on bosse tous pour cette putain d'Europe. On nous met tous à mal. On va tous finir comme les Grecs. Alors c'est le moment de votre carte blanche. Quelle est l'idée, le projet que vous considérez comme la carte maîtresse de votre programme ? Mais moi je veux sortir de l'Union européenne. C'est pas pour parce que j'ai entendu des voix. C'est parce qu'il faut que les Français sachent. Je l'ai déjà dit, je le redis, que ça c'est le programme commun de du prochain président de la République française et du prochain Premier ministre s'il ne sort pas de l'Union européenne. C'est le rapport des grandes orientations de politique économique que publie la Commission européenne chaque année et qui fixe chaque année ce que doit être la politique économique et sociale de la France. Par exemple, c'est la baisse de l'impôt sur les grandes sociétés. Autre débat relancé ce week-end, celui de la baisse de 7 milliards d'euros des prélèvements obligatoires qui méritent quelques explications. C'est le gel du SMIC. Bonjour et bienvenue dans cette édition du 13h à la U. C'est un rapport qui ne va pas passer inaperçu. Un groupe d'experts se prononce contre une revalorisation du SMIC au 1er janvier prochain. Selon lui, le salaire minimum est trop élevé et peu efficace contre la pauvreté. C'est la réforme du droit du travail. Première grande réforme d'Emmanuel Macron attendue avant les vacances d'été, l'assouplissement par ordonnance du Code du travail. Quel changement concret ? Pourquoi est-elle si sensible cette réforme ? Rendez-vous tout à l'heure. Avec la baisse de l'assurance chômage. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous sommes le mardi 26 décembre et dans l'actualité ce soir, il y a d'abord les sanctions qui pourraient être alourdies contre les chômeurs jugés pas assez actifs. Dans la recherche d'emploi, selon une note confidentielle, le barème serait durci. Il pourrait également avoir à remplir tous les mois un rapport d'activité sous peine d'être radié. Et comme le 18 mai 2016, il y a eu un nouveau rapport des grandes orientations de politique économique fixé par la Commission européenne qui demande expressément de poursuivre la baisse des dépenses des collectivités locales, Il est prévu qu'en 2017, il y aura une diminution de 3,7 milliards d'euros des dotations de l'État. L'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'applique et s'appliquera quel que soit le président de la République qui sera élu le 7 mai prochain, sauf si c'est moi. Puisque je suis le seul, je ne suis pas sûr que ce soit si drôle. Bonsoir à tous. À la une de l'actualité ce soir, 300 millions d'euros de crédit en moins pour les collectivités. La colère gronde chez les maires de France. Après la baisse surprise des dotations, un décret est passé en catimini. Malgré les engagements d'Emmanuel Macron, l'opposition dénonce un mauvais coup. Astrid Mesmorian sera en direct. C'est-à-dire que figurez-vous que la dotation globale de fonctionnement va continuer à diminuer en 2017 et bien davantage encore en 2018. Moi, je propose de revenir au contrôle des mouvements de capitaux. Ceci a été imposé à la France par l'Union, par les traités de l'Union européenne. Donc tout ceci mis bout à bout, c'est ce qui explique la désindustrialisation accélérée. Rappelez-vous que François Hollande et Montebourg s'est fait élire en disant on allait voir ce qu'on allait voir, ils allaient lutter contre les délocalisations. Mais on l'a vu, il ne s'est rien passé, on a vu un flot torrentiel de délocalisation. La colère des salariés français de Castorama, leur direction vient de confirmer la suppression de 436 postes. Elle leur demande surtout de former les Polonais qui vont être amenés à les remplacer. Ça, moi, je fais ça. Voilà ce que je propose aux Français de faire. Moi, je veux sortir de ça. Ambroise Croizat. Ambroise Croizat. Alors, la sécurité sociale. Oui. C'est l'homme qui, en 45, va créer tout le système social sur lequel on... Il doit bien se retourner dans sa tombe en ce moment. Eh ben, c'est-à-dire que... et d'ailleurs, Corinne, le système des retraites, c'est lui. Mais c'est ça. Je peux expliquer pourquoi Corinne dit ça. C'est que ce monsieur qui, au départ, était un ajusteur, hein, un outilleur, il est devenu, il était le patron de la... Enfin, patron, façon de parler. Il était le secrétaire général de la fédération Métallo-CGT. Et il a été... En 1945, aux côtés du général de Gaulle, puis aux côtés d'un certain nombre des présidents du Conseil qui se sont succédés au début de la 4e République, l'homme qui a créé tout le système qu'on connaît ou qu'on a connu, effectivement, la sécurité sociale, les allocations familiales, la retraite, beaucoup d'avantages. C'est considérable. Ouais. Ce qu'on doit, et c'est puis, surtout, peut-être. On lui doit tout. On lui doit tout à ce mec-là. Tout. Vraiment, non, mais je déconne pas. Hein. C'est un truc, il faut pas l'oublier parce qu'en ce moment, ça craint. Tout ce qu'il a créé, et pas lui tout seul, bien évidemment, est en train de se casser la gueule. Donc n'oubliez pas ce mec-là, il faut qu'on se batte pour lui. Bonjour Jean-Luc Mélenchon. Bonjour. Un sondage ce matin, 84% des Français trouvent désormais la contestation des Gilets jaunes justifiée. 75% les soutiennent. On s'achemine vers une troisième journée de contestation, samedi. C'est par où la sortie ? Alors attendez déjà deux choses. Premièrement, c'est tous les jours qu'il y a des barrages de Gilets jaunes. Et deuxièmement, moi je ne leur demande pas de faire ceci ou cela. C'est eux qui décident. Et j'ai dit que ces barrages pouvaient être des assemblées citoyennes. Pas qu'ils arrêtent, je ne me mêle pas de dire ce qu'il faut faire. Maintenant... Vous dites, c'est où la sortie? Vous avez raison, il faut bien trouver une sortie. On ne peut pas s'installer comme ça dans un conflit sans fin. Donc je voudrais dire que c'est le chef de l'État qui porte la responsabilité, parce qu'il est ailleurs, cet homme. Hein. Il n'a pas l'air de se rendre compte de la situation réelle. Il a dit qu'il entendait. Oui, bah ça, c'est pas l'effet qu'il fait. Parce qu'il parle pendant, je sais pas combien, 35 minutes. Déjà, il nous convoque, nous, les présidents de groupe, à l'heure où on est convoqué ailleurs. Il a l'air de pas vraiment être là. Et de pas se rendre compte de la souffrance qu'expriment les gens. Ils croient que c'est un, comment dire, comme ils disent, de la grogne. Ils comprennent pas que c'est les gens sont... C'est plus que ça? Mais bien sûr, les gens sont au bout du rouleau. Vous avez des tas de gens qui ne savent. Maintenant, on dit la fin du mois a commencé. Mais la fin du mois, c'est le 10, c'est le 15. Pour plein de gens, pas pour moi, pas pour vous, mais pour plein de gens. Bon, par conséquent, les gens sont au bout et dans une souffrance terrible. Puis arrive Noël, c'est la période des cadeaux et tout ça, et vous apprenez que vous allez vous faire prendre encore 50, 100, 200 euros. Si vous êtes à 20 km de votre lieu de boulot, vous en avez pour 200 euros par mois. Vous vous rendez compte? Mais quand vous apprenez ce matin que la majorité, la très grande majorité des Français soutiennent ce mouvement, vous dites que ça y est, c'est arrivé ce moment où ça bascule, justement, ce moment où ça, c'était une grogne, ça devient plus qu'une colère. Ah oui, c'est clairement maintenant un événement politique majeur, c'est nous sommes à la veille d'une révolution citoyenne, et d'une certaine manière, elle est commencée par tous ces braves gens qui sont sur les barrages, souvent combien froid, qui sont dans une osmose avec les gens qui passent, ceux qui passent les saluts, bravo encore, tenez bon, on vous remercie, voilà. Oui, on a commencé quelque chose. Et je vais vous dire, il y a un signal de ça. Un signal historique qui est toujours présent à tous les grands moments de l'histoire. Ce mouvement est en bonne partie animé par des femmes. Et pourquoi vous faites référence à l'histoire ? Mais parce que ce sont les femmes qui ont commencé la révolution de 1917, c'est elles qui ont radicalisé la révolution de 89, c'est elles qui ont fait la révolution en Tunisie il y a peu. Pourquoi ? Parce que les femmes sont la dernière ligne de cohésion de la société et celles qui sont le plus durement tapées par les injustices. Or, là, c'est une révolte générale contre l'injustice. Madame Roux, que vous le vouliez ou non, les gens ne supportent pas de penser qu'on leur prend 3 milliards pour leur carburant et que dans le même moment, on donne 3 milliards aux plus riches du pays en supprimant l'impôt sur la fortune. Que voulez-vous ? C'est la France, ici. C'est un pays de tradition égalitaire. C'est insupportable. Il y a un chiffre qu'ils ont sans doute entendu ce matin qui place la France championne d'Europe des prélèvements obligatoires, 48,3%. Oui. Trop d'impôts, trop de taxes ? Non, ça c'est des salades. Ah bon ? Laissez tomber. Parce que dans les prélèvements obligatoires, il y a des choux et des carottes. Alors à la fin, ça fait une soupe. Mais c'est pas pareil une cotisation sociale que vous payez pour payer votre retraite ou pour avoir la santé gratuite et un impôt. Et en particulier, s'il vous plaît, changeons pas de sujet. La vérité, c'est qu'on a donné 1 million d'euros aux 100 personnes les plus riches de ce pays, et pendant ce temps, on a gratté tous les autres sur leur pauvre plein pour leur voiture. Trop d'impôts, voilà. Trop de taxes, c'est ce qu'on entend sur les barrages. C'est ce que vous entendez aussi sur les barrages. C'est ce que les gens ressentent pour eux. Mais il faudrait pas que, pendant ce temps, l'aristocratie qui a la parole en déduise que ce qu'il faut, c'est encore diminuer leurs impôts à eux. Parce que si vous mettez sur le même plan quelqu'un qui payait l'impôt sur la... Ça s'appelait ISF, ça veut dire impôt de solidarité sur la fortune. Ben bonjour, la solidarité, ils n'en payent plus. Comment? Et pendant ce temps-là, on prend leur... Ce qu'ils ne payent pas, on le prend au plus simple. Je vous demande quand même d'entendre que c'est la France. On est dans un pays de tradition, d'égalité et de fraternité. Les gens ne supportent pas ça. Il n'y a pas d'ordre public possible sans justice sociale. Les Gilets jaunes seront reçus demain à Matignon. Déjà, ils ont raison d'y aller ou pas? Ça, c'est leur affaire. Écoutez, moi, je sais reconnaître un mouvement... deux types révolutionnaires dans notre. Je ne me mêlerai pas de dire faites ceci ou faites cela. Parce qu'ils ne le souhaitent pas. Ce que, bien sûr, déjà pour commencer. Et je vais même dire c'est sage. Parce que si on veut que le mouvement englobe le plus de monde possible, il ne faut pas qu'il apparaisse comme pris par tel ou tel parti politique. Nous devons traiter avec cette histoire-là comme on traite avec l'histoire de France elle-même. Alors quel est le rôle du politique dans ce moment-là ? Ah ben il est considérable. Si vous voulez, la politique peut tout. C'est ça que je veux dire aux gens. Même sur le climat, puisque tout le monde est là à faire remuer les bras et les jambes, quand la politique a décidé qu'on annulait les produits, vous savez, qu'on se mettait pour la laque et le reste, qui faisait le trou dans la couche d'ozone, on a décidé ça, le trou dans la couche d'ozone est en train de se reboucher. C'est pour vous dire, la politique peut tout. Le président de la République... Il peut tout aujourd'hui. Mais bien sûr. D'abord, il pourrait. Alors, il a trois solutions. Espérer que les gens se fatiguent et les épuiser, se moquer d'eux. C'est ce qu'il a choisi. Bon, ça va pas tenir. On va voir samedi, ça va être à la trappe. Deuxième possibilité, on est une grande démocratie moderne, le président n'est pas un monarque présidentiel et se dit bon ben là apparemment ça va pas, ça le fait pas, personne ne m'écoute, donc je dissous et je propose qu'une autre assemblée soit élue. C'est ce qu'a fait Chirac, C'est ce qu'a fait De Gaulle. C'est une option sérieuse. Eh bien, c'est une option politique normale chez les gens normaux et tranquilles. C'est une démocratie, ça marche comme ça. Troisième option ? Ça ne sera pas le cas. Troisième option, il comprend qu'il est en train de mettre le feu aux poudres, mais peut-être qu'il est déjà trop tard, et il annule l'augmentation, la surtaxe des carburants, et pour que le budget soit en équilibre, il reprend les 3 milliards d'impôts sur la fortune qu'il a abrogé. Écoutez-moi bien, le budget n'est pas fini. On n'a pas fini non, de le voter. Il peut encore le faire. Eh bien oui, puisqu'il a annoncé des mesures qui n'étaient pas dans le budget. Par exemple, son histoire à laquelle personne ne comprend rien, même pas le Premier ministre, qui est, vous savez, la taxe flottante sur les carburants. Bon. Le Premier ministre est passé dans une télé, il dit, je ne sais pas comment ça marche. Mais si lui, il ne sait pas comment on va savoir, nous. Et le Président disait qu'il ne savait pas comment ça marchait non plus le chèque transport. Est-ce que vous vous sentez en phase politiquement avec ce mouvement? Quand vous voyez, par exemple, les revendications du mouvement des Gilets jaunes. Ah ben oui, parce que, si vous voulez, il y a des aspects. Oui, non, il y a des aspects, comme dans tout mouvement très large. Il y a tout dedans. Il y a tout. Réduction du train de vie des élus, baisse du salaire des ministres, suppression de privilèges pour ceux qui sont élus, présence physique obligatoire des élus dans les assemblées. Oui, vous avez choisi. Non, il y en a d'autres. Fin des régimes spéciaux de retraite qui soient les mêmes pour ceux, baisse des charges patronales. Oui. Par exemple, on pourrait supprimer le privilège fiscal des journalistes qui... mais soyons sérieux. C'est pas ça. Ça, c'est pas ma liste. Non, mais j'ai compris. Il y a plein de choses dans la liste qui expriment quelque chose. Mais il y a surtout des revendications. Alors, je vous ai dit, il y a tout. Donc, moi, je fais pas le tri. Je sais pas d'ailleurs quelle est la liste définitive. Moi, j'en ai proposé une. Abrogation de la surtaxe, rétablissement de l'impôt sur la fortune. 14 tranches d'impôt au lieu de 5. Mais ce qui m'importe, ce qui m'intéresse, c'est d'abord la prise en main par les gens eux-mêmes de leur destin. C'est ça qui est fascinant. Mais oui. Et dedans, moi, quand j'entends parler, j'ai entendu sur votre chaîne quelqu'un parler de révolution citoyenne, d'autres parler de changer la constitution. Bah, écoutez, par la force des choses, je dis, mais ça, c'était mon programme présidentiel. Quand j'entends le président piller absolument tous les mots, cet homme, il est incroyable. Au milieu de son discours, il parle d'écologie populaire. Mais c'est moi qui expliquais ça il y a 10 jours. Et Macron fait du Mélenchon. Mais du mauvais, parce que ça ne veut rien dire dans sa bouche. Si vous voulez, je vais vous expliquer, Caroline Roux. Si vous ne permettez pas aux gens d'avoir des mots pour se situer, vous les empêchez de penser. Donc il n'a pas à prendre les mots des uns et des autres pour en quelque sorte les transformer en une bouillie incompréhensible. Est-ce que vous serez ce soir Place de la République? Certains considèrent qu'on peut ajouter Nuit debout et Gilets jaunes. Je félicite François Ruffin d'avoir eu cette idée. Je crois qu'il est à la manœuvre. C'est très bien, c'est une bonne idée. Et il a surtout une remarque que je trouve intéressante. Il dit, dans les grandes villes, ce qui est vrai, les gens sont moins mobilisés qu'on l'est aujourd'hui en milieu rural. Donc, tout ce qui concourt à la mobilisation générale est bienvenu. Je dis aux gens qui prennent le RERD ou le RERB dans des conditions qui sont infrahumaines à certains moments, vous feriez bien, vous aussi, de poser des problèmes. Vous y serez ? Je ne sais pas, il faut qu'il me dise si ma présence est utile ou pas. Est-ce que vous êtes inquiet pour samedi ? Personne n'a envie de revoir les images de samedi dernier. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'acte 3, samedi ? Je ne suis pas inquiet, je suis sûr de ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on va entendre sur toutes les chaînes d'infos, le mouvement s'essouffle, et si quelqu'un brûle un cajot, il y aura 10 caméras autour pour le prendre au premier plan. J'estime que ce n'est pas une bonne idée de focaliser sur quelques violences que tout le monde déplore. Personnellement, je suis pour une orientation absolument, radicalement, totalement, et dans tous les cas, non violente. La violence ne nous a jamais servi. Elle sert de prétexte à nos adversaires, et c'est tout. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon. Alors, à samedi, en masse et en nombre. Vous y serez, vous, samedi, sur les champs? Oui, mais je m'arrange pour que ma présence soit le plus, efficace possible. C'est-à-dire que j'évite les concentrations de caméras autour de moi. C'est dit. Merci beaucoup. C'est à vous, Laurent. Thank you. Actuellement, grâce à toutes ces expériences qu'on a vues, hein, justement les supernovées, aussi les lentilles gravitationnelles qui nous permettent d'avoir la déformation des rayons lumineux qui viennent de loin et tester la nature de l'univers, et puis le fond cosmologique qui vient du Big Bang, qui a été cartographié par Kobe, par Planck, par WMAP. Avec tous ces éléments concourent pour nous donner une vision de l'univers où l'univers est plat, n'a pas de courbure, et donc, à ce moment-là, la courbure est liée à sa taille, en fait, et il est infini. On pense maintenant qu'il est infini, enfin, du moins, d'après ce qu'on extrapole de tous les résultats qu'on connaît, l'univers doit être infini. Mais évidemment, nous ne voyons pas cette infinité. La lumière a une vitesse finie, 300 000 km par seconde, et donc, à partir du Big Bang, puisque l'univers est fini aussi en temps, il a commencé à partir d'un Big Bang, pour les galaxies qui sont au-delà d'un certain horizon qu'on va définir, les galaxies n'auront pas le temps de nous faire parvenir de la lumière, puisque la lumière a parcouru 13,8 milliards d'années, lumière, depuis l'âge de l'univers qui est de 13,8 milliards d'années. Donc ça nous fixe un horizon, et lorsqu'on observe très loin dans l'univers, on remonte le temps. On ne peut pas faire autre chose que remonter le temps. C'est-à-dire que quand on veut regarder une galaxie lointaine, on est sûr qu'elle ne sera pas contemporaine à nous. On va la regarder telle qu'elle était il y a quelques milliards d'années, donc plus jeune. Et peu à peu, on remonte jusqu'au Big Bang. C'est comme ça qu'on voit le fond cosmologique. Et on voit un moment où il n'y a plus de galaxies. On peut remonter comme ça avec l'expansion de l'univers. Et avec le télescope Hubble, on est remonté à 5% de l'âge de l'univers, où il n'y avait pratiquement plus de galaxies. Donc c'est là qu'on voit que le Big Bang, qui a posé beaucoup de problèmes à beaucoup d'astronomes, en fait, c'est une évidence. On le voit. On le voit en direct maintenant. Ce n'est plus une théorie, une hypothèse. On voit le Big Bang en direct, puisqu'on remonte le temps et on arrive au Big Bang. En fait, on arrive à quoi? On arrive à l'horizon de notre univers. Donc évidemment, nous sommes au centre de cet horizon, puisque chaque observateur dans l'univers aura une sphère autour de lui qui a la taille de 13,8 milliards d'années-lumière, mais en temps mobile. Comme l'univers est rentré en expansion depuis, la taille physique, c'est plutôt 45 milliards d'années-lumière. En fait, cet horizon est là, et chaque observateur se balade avec son horizon. Donc on est toujours au centre de notre univers. Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez L'Autre 20h, le journal du Média. Ce soir au programme, un reportage de Dolores Bacquella sur la visite d'Emmanuel Macron à Créteil, accueilli par des gilets jaunes. Le petit coup de bourbon de Serge Faubert qui reviendra sur le grand bluff du gouvernement concernant les gilets jaunes. Irving Maggi de notre site Le Média Presse viendra faire un point sur cette actualité brûlante, toujours des gilets jaunes. Hier, Emmanuel Macron était à Créteil pour inaugurer la maison du handball. Les gilets jaunes du 94 en ont profité pour rendre visite à notre président. On s'est rendu sur place, c'était l'occasion de rencontrer les enseignants en colère des stylos rouges pour leur première mobilisation en Ile-de-France. Un reportage de Dolores Bacquella tourné par Adonis Ramdad et monté par Alexis Debaille. Jeudi, en début d'après-midi, Emmanuel Macron était à Créteil pour inaugurer la maison du handball. Les gilets jaunes du 94 se sont passés le mot et avaient organisé un comité d'accueil, espérant apercevoir le président afin de lui transmettre plus directement les doléances que portent les gilets jaunes, comme nous l'explique Kevin, l'un des co-organisateurs du rassemblement. Moi, je suis organisateur au niveau du Val-de-Marne de Gilets jaunes. Emmanuel Macron doit venir inaugurer la nouvelle salle de handball ici à Créteil. Donc on est tous là à se réunir un peu pour lui exprimer nos revendications. C'est avant tout un mouvement pacifiste parce que le gouvernement est en train de nous associer avec les casseurs, ceux qui sont non pacifistes, et nous ce n'est pas notre but, pas de casse avec nous. Le département est le lieu d'action régulière à Bonneuil ou encore près du Macval. Dans la foule peu nombreuse mais compacte, comptant des habitants, des militants, des membres de la communauté associative comme la Confédération Nationale du Logement, on distingue très vite des drapeaux qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans les mobilisations franciliennes des Gilets jaunes, ceux des syndicats. Sud Solidaire, la CGT entre autres, étaient de la partie. Changement de paradigme. Même si effectivement on a peut-être mis un peu de temps à analyser la nature de ce mouvement au mois de fin novembre, début décembre, enfin le syndicalisme et le syndicalisme de la CGT a toujours été clair, c'est un syndicalisme de classe et de masse. Donc oui, dans nos revendications, on retrouve pas mal de convergence avec le mouvement des Gilets jaunes. Voilà, Gilets jaunes, stylo rouge, retraités, fonctionnaires, on est tous ensemble. Il y a sans doute des choses à clarifier, à éclaircir, à être beaucoup plus clair dans nos expressions, mais voilà, il n'y a pas de frontière imperméable entre le syndicalisme et les Gilets jaunes. En tout cas, nous, à la CGT, c'est pas ce qu'on souhaite. Cette convergence syndicat-Gilets jaunes n'est pas contestée par Kevin, mais il la tempère quelque peu. Dans le Val-de-Marne, non, avec les Gilets jaunes, non, on ne les voit pas beaucoup. Après, bon, il y en a, éventuellement sur le musée Macval le mercredi soir. Il y a des syndicats éventuellement présents. Nous n'avions pas travaillé avec eux, donc ils sont présents, c'est très bien aussi. On est tous pareils, que ce soit les syndicats ou chez les jaunes, nous voulons tous les mêmes revendications. Donc il n'y a aucun souci qu'ils soient là aujourd'hui. Cette venue du président Macron a donné aussi l'occasion aux stylos rouges de participer à leur première action en Ile-de-France. Damien, Lise et Mohamed nous ont expliqué, sous couvert d'anonymat du fait de leur statut de fonctionnaire, ce qu'est ce mouvement des profs en colère, mais pas que, et contre quoi il veut se battre. Alors, les stylos rouges, c'est un mouvement d'enseignants en colère qui revendique plusieurs choses. Premièrement, la hausse des salaires, le dégel du point d'indice et de meilleures conditions de travail pour nous et aussi pour nos élèves. Les syndicats utilisent un moyen qui est la grève, qui malheureusement n'est plus publicité par les collègues. Ça coûte cher pour un enseignant de faire grève. Quand on manifeste en tant qu'enseignant, c'est souvent dans des cortèges qui sont de la fonction publique. On ne nous voit pas, on nous oublie, on est souvent en queue de cortège. Donc c'est peut-être ça l'intérêt des stylos rouges, c'est de se mettre en avant davantage, de mettre sur la table et sur la place publique le débat des enseignants, de leur rémunération, de leurs conditions de travail qui sont devenues parfois exécrable. Et le rouge, c'est aussi un mouvement qui réfléchit à d'autres modes d'action en parallèle des syndicats et surtout pas en opposition aux syndicats. Pour l'instant, il y a des courriers qui sont envoyés donc à M. Macron pour sensibiliser aux problématiques des stylos rouges, notamment l'envoi de stylos rouges au ministère. Il y a des mobilisations au niveau des rectorats qui sont notamment suggérées de ce type d'action en fait. Après la mobilisation, ces profs ont rejoint une AG organisée dans la ville pour discuter de leur mode d'action pour le futur. Le cortège tente de s'ébranler vers la maison du handball, scande des slogans devant les CRS, qui chargent. Les manifestants sont dispersés une première fois par du gaz lacrymogène. Ils font le tour du pâté de maison pour être de nouveau accueillis par des CRS qui n'hésitent pas, à nouveau, à charger les manifestants. Ces derniers continuent de dire pourquoi ils sont venus. L'action des forces de l'ordre ne décourage pas non plus Kevin. Le but en fait du mouvement, c'est de ne pas se disperser et de tenir bon. Malgré les dispersements des CRS, on est là et on restera là le temps qu'il faudra. Et si c'est à refaire dans les prochains jours, je pense qu'on le refera. Le cortège finit sur le pont avec des discours de syndicalistes. À Créteil, les Gilets jaunes n'ont donc pas vu Emmanuel Macron, qui est pourtant bienvenu, comme il a tenu à le montrer sur Twitter. Une après-midi en forme d'allégorie du dialogue entre les deux parties. L'acte 9 prévu ce samedi devrait servir à Créteil comme ailleurs à continuer de se faire entendre pour les Gilets jaunes. C'est la lutte finale pour nous et demain. Ces derniers jours, on a entendu le Premier ministre Édouard Philippe parler de la menace qui pèserait sur la République. Christophe Castaner, le récent ministre de l'Intérieur, parle lui de République en danger. Serge Faubert analyse la réaction de la majorité. Gilets jaunes, le grand bluff du gouvernement, c'est le petit coup de Bourbon. La République serait menacée. C'est la nouvelle ligne de défense de la majorité. Lundi soir, sur TF1, le Premier ministre donnait le ton. Mais ceux qui veulent, au-delà, remettre en cause nos institutions, ceux qui disent 10 000 personnes, 50 000, combien même 100 000 personnes dans la rue suffisent à faire en sorte de destituer le président de la République, à faire en sorte d'invalider les résultats des élections. Je vous le dis, monsieur Boulot, ceux-là n'auront jamais raison dans notre pays. Depuis, c'est un feu d'artifice. La secrétaire d'État en charge de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, veut ficher les donateurs de la cagnotte Litchi en faveur de Christophe Détinger, l'ancien champion de boxe poursuivi pour avoir frappé deux gendarmes mobiles sur la passerelle Saint-Gor. Sur la pression des autorités, Litchi a clôturé le compte mardi, 24 heures après sa création. Geste que Jean-Luc Mélenchon a condamné. Que n'a-t-il fait là ? Aussitôt, le ministre du Logement, Julien de Normandie, sans doute en mal de notoriété, l'a accusé de trahir la République. Excusé du peu. Quant à la députée des Yvelines, Aurore Berger, celle-ci a signalé au procureur de la République des propos de Thomas Guénolé, candidat FI aux européennes, et de Juan Branco, ancien candidat aux législatives en 2017, sous les couleurs de la France insoumise. Selon elle, les déclarations des intéressés tombent sous le coup de l'article réprimant la provocation au crime et délit. Curieusement, la vigilante Aurore Berger a oublié de relever les propos que Luc Ferry, ancien ministre de Nicolas Sarkozy, a tenus mardi au micro de Radio Classique. Quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin, voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit, voilà, il y a un moment où ces espèces de nervis, ces espèces de salopards d'extrême droite ou d'extrême gauche ou des quartiers qui viennent taper du policier, ça suffit. Mais je pense qu'on a armée, on a, je crois, la quatrième armée du monde, elle est capable de mettre fin à ces saloperies, il faut dire les choses comme elles sont. Aurore Berger aurait encore pu signaler à la justice le patron de son propre parti, Stanislas Guérini, délégué de La République En Marche. Celui-ci est venu expliquer dimanche dernier, sur un plateau télé, que les pistolets d'Alexandre Benalla étaient dans un coffre au siège de La République En Marche. Ces mêmes armes qui avaient échappé à une rocambolesque tentative de perquisition à son domicile. Il y a eu une procédure en interne. Ces pistolets sont aujourd'hui sous scellés dans un coffre. Et donc, à La République En Marche ? Oui, à La République En Marche. Ils sont à disposition aussi de la justice. Que font des scellés au siège d'un parti politique? Auraient-ils été oubliés? On attend avec une certaine gourmandise les explications des magistrats. Décidément, selon qu'on s'appelle Alexandre Benalla ou Christophe Détinger, le traitement judiciaire des infractions n'est pas le même. On l'a compris, toute cette agitation ministérielle est à sens unique. Elle vise à installer dans l'opinion l'idée que nos institutions seraient menacées par des factieux. Factieux contre lesquels le dernier rempart serait un certain Emmanuel Macron. Moi ou le chaos, on connaît la musique. Hélas, la ficelle est un peu grosse. Et surtout, cette thèse de la République en danger a été démentie par le propre ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, voici un mois. Écoutez-le, le 3 décembre, s'expliquer devant la commission des lois de l'Assemblée sur les violences commises le samedi 1er décembre. C'est instructif. Il y avait ce week-end entre 3 et 5 000 personnes qui étaient dans une logique de casseurs. Certains, on les connaît, viennent de l'ultra-droite, d'autres de l'ultra-gauche. Mais s'ils ont pu tenter de guider le mouvement, ils n'ont jamais été maîtres du mouvement, à aucun moment. Ni samedi dernier, où là, très clairement, on a vu des personnes que nous connaissons qui venaient de l'ultra-droite en début de matinée tenter d'emporter le mouvement. Ils n'ont pas emporté le mouvement. J'espère que je suis clair en vous disant cela. De même, dans la journée, d'autres personnes connues d'ultra-gauche sont intervenues dans le dispositif, mais n'ont pas gagné le mouvement. Et en fin de journée, samedi, ce sont des casseurs qui sont venus, mais par opportunisme financier, par approche crapuleuse, qui sont venus profiter du désordre pour casser des magasins et voler dans les magasins. Et donc c'est vraiment différentes catégories. Mais ce que je retiens de la manifestation de samedi, c'est qu'il n'y a pas au fond d'un côté des manifestants expérimentés, formés dans l'ultra-droite ou l'ultra-gauche qui auraient cassé. Il y a des gilets jaunes qui se sont radicalisés et qui, au fur et à mesure du temps, dans la journée, sont devenus extrêmement violents. La manifestation du 1er décembre est sans doute, à ce jour, la plus massive et la plus violente qu'ait connue le mouvement des Gilets jaunes. Eh bien, le ministre de l'Intérieur nous dit que ce jour-là, les militants d'extrême-gauche ou d'extrême-droite qui ont tenté d'entraîner le cortège derrière eux pour renverser la République n'y sont pas parvenus. Comment, un mois et demi plus tard, ces mêmes ultras menaceraient-ils nos institutions ? Alors que le mouvement des Gilets jaunes s'est installé dans la durée et s'organise de façon totalement indépendante des formations politiques. Cet argument de la menace factieuse n'est qu'une baudruche. C'est l'artifice ultime d'un pouvoir qui se refuse à apporter une réponse politique à un mouvement social toujours majoritaire dans l'opinion. Un pouvoir qui se retranche désormais derrière les forces de l'ordre. Mais c'est heureux, celles-ci sont de moins en moins dupes du rôle qu'on entend leur faire jouer depuis l'Élysée. À preuve, ces deux tweets récents, à l'adresse de l'exécutif, de la part de deux organisations syndicales de policiers. Vigie d'abord, proche de la CGT qui revendique un millier d'adhérents. Apportez des réponses politiques pour que nous ne soyons plus insultés à votre place, que nous n'ayons plus à prendre des coups à votre place. Et surtout le syndicat des commissaires de la police nationale qui représente 60% du corps. Le dernier mot à la crise doit être politique, issu du dialogue et de la concertation. Ce n'est pas un match police-gilets jaunes. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'hystérisation à laquelle se livrent les ministres du gouvernement Philippe ne va pas dans le sens de cette sage recommandation. Alors, je suis ravie d'accueillir Irving Magie. Bonjour Irving. Bonjour Virginie. Alors, tu traites de l'actualité pour notre site lemediapresse.fr et tu vas nous faire un point sur l'actualité des Gilets jaunes. Hier, c'était Christophe Détinger, le boxeur désormais célèbre, qui est passé en comparution immédiate. Rendu célèbre après avoir boxé deux gendarmes samedi dernier sur le pont Léopold-Sédar-Senghor, Christophe Détinger est passé en comparution immédiate pour les mêmes faits. Il a été jugé pour violence volontaire en réunion sur personne dépositaire de l'autorité publique, ayant entraîné une ITT de plus de 8 jours et une ITT de moins de 8 jours. Ses deux avocats ont demandé le renvoi, c'est-à-dire que son cas puisse être jugé à une date ultérieure afin de permettre à la défense de faire intervenir de nouveaux témoins et ainsi se préparer au mieux. Une vie rangée d'employé de mairie, père de 3 enfants et au casier vierge, n'empêche pas le président du tribunal de prononcer la mise en détention provisoire de Christophe Détinger. La procureure aurait motivé cette décision par le risque de réitération. Son affaire sera jugée le 13 février prochain Affaire à suivre. Merci Irving, on va évidemment suivre cette affaire. Des nouvelles des fameuses cagnottes litchi qui font grand bruit en ce moment. Oui, alors tout d'abord, elle vient de la cagnotte en soutien aux forces de l'ordre qui fait déjà beaucoup parler d'elle puisque 1 million d'euros ont déjà été donnés alors qu'elle a été lancée seulement hier. Ça paraît vraiment énorme. Plusieurs internautes ont remarqué d'étranges anomalies comme la progression constante et linéaire de la cagnotte, y compris pendant la nuit. La plateforme Litchi permet en outre de tracer le trafic, à savoir s'il provient d'un humain ou non. Donc cagnotte toujours, Éric Drouet y est allé aussi, pour soutenir cette fois les gilets jaunes qui ont été blessés par les forces de l'ordre depuis le début du mouvement. Il y en a eu beaucoup. Le Média Presse s'en est déjà fait le relais. Elle a été également lancée hier, mais via la plateforme PayPal cette fois, et elle a déjà atteint les 70 000 euros, certifiés sans robot. Alors Irving, tu m'as dit tout à l'heure que les gilets jaunes inspiraient nos camarades à l'étranger. Alors oui, parce que là en France, on nous dit souvent dans les médias, ça et là, que le mouvement s'essouffle, qu'il a de moins en moins de sympathisants. Pourtant, il continue de faire quelques émules. Après la Belgique, la Hongrie, c'est au tour de la Grande-Bretagne de voir naître son mouvement gilet jaune. Il est à l'initiative du mouvement anti-austérité qui s'appelle People's Assembly, qui a ainsi appelé à une manifestation nationale samedi 12 janvier à Londres, invitant les manifestants à revêtir un gilet jaune. Alors, nous, en France, on parle en ce moment de ce grand débat national organisé par le gouvernement. Donc, Irving, grand débat ou grand enfumage? Ah bah ça, c'est l'avenir nous le dira. Mais en tout cas, ce grand débat national, pour en donner l'information, doit donner son coup d'envoi mardi prochain, le 15 janvier. Après un premier couac concernant Chantal Jouanneau, qui a démissionné du pilotage de ce débat suite aux polémiques suscitées par son salaire, Bruno Le Maire a donné hier sur France Culture une idée des orientations que prendra ce débat. Et le ministre de l'économie a rapidement annoncé la couleur. Il ne s'agit pas que le débat conduise à détricoter tout ce qui a été mis en œuvre. Il a également évoqué un choix de clarté concernant l'ISF. En gros, il ne faut pas compter sur un retour de l'ISF ni sur une quelconque suppression du CICE. Cela fait pourtant partie des revendications phares des Gilets jaunes. On sait aussi que le gouvernement ne compte pas toucher à la taxe d'habitation. Après avoir vaguement émis l'idée de la maintenir pour 20% des ménages les plus riches, le ministre de l'économie a finalement rétropédalé et affirmé vouloir aller au bout de sa suppression. Alors que la fiscalité doit être un des grands axes du débat, de quoi pourra-t-on discuter si tout est d'ores et déjà balayé d'un revers de main par le ministre? Sur les réseaux sociaux en tout cas, les Gilets jaunes semblent faire peu de cas de ce grand débat. Ils en parlent très peu, comme convaincus dès le départ de la fumisterie. On va tout de même suivre ce grand débat. Merci Irving. Je rappelle que vous pouvez lire les papiers d'Irving Magie et de Kevin Boucaud-Victoire, entre autres sur le site lemediapresse.fr. C'est la fin de cette autre 20 heures. Restez avec nous tout de suite dans l'autre interview. Yanis Mamdi reçoit Jean-Pierre Filu, historien spécialiste du Moyen-Orient qui s'est glissé dans la tête du premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à travers l'ouvrage « Main basse sur Israël ». Avant de vous quitter, je suis ravie de vous annoncer que nos contenus sont désormais disponibles en podcast sur les plateformes SoundCloud, iTunes, Spotify et Pocket Cast. Vous pourrez désormais nous écouter en faisant la cuisine, votre sport ou bien les manifestations. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que le Média est un média indépendant qui existe uniquement grâce à nos sociaux. Ce sont des citoyens qui nous financent et c'est grâce à eux que nous pouvons suivre ce mouvement des Gilets jaunes en toute liberté. Nous avons besoin d'être plus nombreuses et plus nombreux pour continuer à exister. Vous pouvez devenir sociaux ou faire un don en vous rendant sur le site lemediatv.fr. Je vous souhaite une très bonne soirée. De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. ma France. Cette terre de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo, tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit on la fusille, ma France. Picasso tient le monde au bout de sa palette, des lèvres d'Éluard s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France. Leurs voix se multiplient à n'en plus faire qu'une, celle qui fait toujours vos crimes, vos erreurs, en remplissant l'histoire et ses fosses communes, que je chante à jamais, celle des travailleurs, ma France. Celle qui ne possède en or que ses nuits blanches, pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. Qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles, ma France. Au milieu de l'agitation parisienne, retentit chaque soir la Marseillaise. Sous l'Arc de Triomphe, la brigade des douaniers de Thionville, des jeunes en insertion venus de Cambrai et des anciens combattants. Tous rendent hommage au soldat le plus célèbre de France, mais dont personne ne sait rien. Ça me rappelle mon grand-père. C'est important d'honorer sa mémoire, quand je s'entends après, on en parle encore. Il est inconnu, c'est le soldat inconnu. Donc c'est ça qui fait son mythe. La même cérémonie solennelle depuis 98 ans. 11 novembre 1920, le cercueil du soldat inconnu arrive sous l'Arc de Triomphe. Il est le fils de toutes les mères qui n'ont pas retrouvé leur fils. Il est l'époux de toutes celles dont le foyer a été prématurément brisé. Un jour plus tôt, c'est à Verdun qu'a été désigné ce soldat. Très exactement dans les souterrains de la citadelle. Selon cet historien, une opération menée tambour battant, il fallait faire aussi vite que les Anglais. Le Royaume-Uni a déclaré que le 11 novembre 1920, il inhumerait à Westminster donc l'un de ses enfants disparus. La France doit organiser la cérémonie donc très vite, organiser le choix très vite. 8 cercueils sont réunis dans cette pièce, reconstitué aujourd'hui à l'identique. Sous les drapeaux, des soldats morts sur différents champs de bataille. Pas de nom, aucun objet personnel et toutes les précautions pour qu'ils ne puissent être identifiés. On va prendre le soin de permuter les cercueils de façon à ce qu'on ne puisse pas associer un cercueil à un secteur du front. Donc, le corps qui sera choisi, on ne saura pas de quel secteur du front il provient. 8 corps, mais lequel reposera sous l'Arc de Triomphe? Le ministre de la Guerre, André Maginot, va confier ce choix délicat au 2e classe Auguste Thin, commis épicier dans le civil. Des années plus tard, il raconte son histoire. Monsieur Maginot, m'a remis un bouquet en me disant « Le cercueil sur lequel vous déposerez ce bouquet sera celui qui ira sous l'arc de triomphe. » Comment choisir ? S'en remettre au hasard ? Ou bien inventer une drôle de formule mathématique ? Le soldat teint choisit la seconde option. Je voulais donner une raison à mon choix. Je voulais pas dire, quand on me questionnerait, je sais pas, j'ai mis ça comme ça. Il fallait absolument que je trouve un motif. Ce motif, je l'ai trouvé en regardant l'exécution de mon régiment. 1 et 3, 4 et 2, 6. Le 132 faisait partie du 6e corps d'armée. Alors je pensais, je choisirai le 6e corps. C'est donc le 6e soldat qui repose sous l'arc de triomphe. Les 7 autres corps sont enterrés au cimetière militaire de Verdun. Toujours inconnu, mais beaucoup moins célèbre. Patrimoine méconnu, et c'est aussi un bond en arrière dans l'histoire. Que reste-t-il de la fameuse ligne Maginot ? Cette barrière gigantesque et réputée inviolable avait été érigée après la Première Guerre mondiale pour éviter une nouvelle invasion allemande. On sait ce qu'il en a été finalement. Elle a longtemps incarné la honte de la défaite, puis elle a été réhabilitée. Aujourd'hui, c'est devenu une attraction touristique. Florence Griffon, Mathieu Régnier. Les collines à l'horizon, c'est l'Allemagne. Et juste devant, la ligne Maginot. Une ligne presque invisible composée d'ouvrages d'artillerie tous les 6 km. Des canons, des mitrailleuses, actionnées par des hommes cachés sous la terre et à l'abri de l'ennemi. Il fallait à tout prix éviter de répéter l'enfer des tranchées de 14-18. La ligne Maginot devait être une barrière infranchissable de la Meuse à la Suisse. Voici aujourd'hui l'un des plus importants vestiges de cette ligne de défense, le fort du Hackenberg. 33 000 visiteurs chaque année. Ici, les touristes empruntent un train d'époque pour remonter dans le temps et découvrir un gigantesque labyrinthe. C'est 10 km de galeries, 19 blocs, et sur ces 19 blocs, il y a 15 blocs de combat, 2 blocs d'observation, 2 blocs d'entrée, tous reliés par galeries souterraines, plus ou moins enterrées à 30 mètres sous terre. Au Hackenberg, dès 1935, 1600 soldats se tiennent prêts en cas d'invasion de l'Allemagne. Tout était prévu pour tenir un siège de 3 mois, sans jamais sortir à la surface. Ces cuisines de troupes sont hyper modernes pour 1935. Ce sont des marmites en inox conçues à cette époque-là, alors que l'inox n'est apparu dans le civil français qu'en 1953. Tout fonctionnait à l'électricité, le train, les 200 radiateurs, les moteurs des pièces d'artillerie. Les groupes électrogènes fonctionnent encore aujourd'hui. Même alsacienne, je connaissais sans connaître. Et j'étais impressionnée, vraiment impressionnée. Je suis soufflé, hein. Franchement. Ces longueurs de tunnels, on parle du métro parisien, c'est un peu ça. Mais ce fleuron de l'armée française n'a jamais arrêté l'ennemi. Le 13 mai 1940, Hitler attaque la France. Il contourne la ligne Maginot en passant par la Belgique. Après l'armistice, les soldats français, contraints et forcés, remontent à la surface. La plupart se rendent sans même avoir combattu. Une page de notre histoire peu glorieuse et peu connue. De nombreux vestiges ont été abandonnés, comme ce fort en pleine forêt, jusqu'à ce que des jeunes de la région le découvrent en 2011 et décident de le réhabiliter. Le premier jour, on arrivait ici, on ne le voyait pas de là où on est. C'était vraiment la forêt du haut des escaliers jusqu'en bas. Et les escaliers aussi, ils étaient recouverts de terre. Ces lycéens se sont investis d'un devoir de mémoire. Ils coupent les arbres, débroussaillent, charrient la terre. Ils viennent ici après les cours et les week-ends. Au départ, on connaissait vraiment rien de rien à la ligne Maginot. Puis depuis maintenant, on a plein de connaissances sur tout, alors qu'on ne connaissait rien. Elle prend le dessus, on apprend plein de choses tous les jours. Ce petit fort, inauguré en 1932, recèle encore des trésors, comme ses dessins de soldats. Les lycéens les ont nettoyés avec les moyens du bord. Quand on l'a découvert, il y a des toiles d'araignées partout, des araignées par centaines. Puis il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait rien du tout parce que tout a été volé. Donc les travaux du début, ils ont débuté avec des bougies, des lampes de poche. C'était vraiment pendant plusieurs mois, on a fait comme ça, avec les moyens qu'on avait. Ici, 150 soldats ont eux aussi attendu l'invasion allemande. Ça, c'est la salle des filtres, ou dites aussi salle de neutralisation. Donc là, on voit les filtres de l'époque. Donc ça servait à, si le fort il était gazé, l'air passait dans ces tuyaux Elle rentrait dans ses filtres et après, une fois qu'elle était propre, elle était redistribuée dans le fort. Kevin et ses copains ont déjà repeint quelques murs et s'attaquent maintenant à la restauration de l'infirmerie ou de la cuisine. Leur rêve, ouvrir un jour ce lieu aux touristes pour que la ligne Maginot retrouve toute sa place dans le patrimoine français. Signe un centième livre. Vous rendez compte un peu, il n'est pas très âgé. Hein, il a déjà écrit une centaine de bouquins. Et bon, les émissions qu'il a fait à la radio, à la télé, les bouquins qu'il a écrits, les articles, je vous ai lu tout à l'heure un petit passage d'un de ses articles, bon, montre quand même qu'on a affaire à quelqu'un qui se trompe assez rarement. Bon, il arrive qu'il se trompe. Je pourrais vous citer des exemples, mais bon, c'est humain. La truffe française sous pression. Oui, depuis 3 ans, la production outre-Pyrénées, c'est-à-dire espagnole, dépasse celle de la France. Chaque fois qu'on perd en tonnage, on perd des parts de marché, s'inquiète la FFT, Fédération française des trufficulteurs. Et bon, Eh ben oui, mais c'est la concurrence libre et sans entrave, hein? Eh oui, le capitalisme sauvage. Eh ben oui, capitalisme sauvage. Mettons tout le monde sur un pied d'égalité et la concurrence se fera sur la qualité et sur le prix et pas seulement sur l'exploitation des salariés qui est plus dégueulasse dans ce pays que dans le pays voisin. Les gilets jaunes retrouvent du souffle. 84 000 manifestants ont manifesté samedi en France selon le ministère de l'Intérieur. Quasiment partout, la mobilisation était en hausse à quelques heures de l'ouverture du débat national voulu par Emmanuel Macron. Alors ça, c'est dimanche 13 janvier 2019. Vous voyez, ça vaut le bas. Oui, la Macronie vaut le bas. La Macronie, ils confondent les mirages avec des chars d'assaut. Un char, c'est pas fait pour voler, voyons, c'est fait pour être sur terre. Ben oui. Quand un avion se met à voler aussi bas qu'un char, ben, il s'écrase contre le premier platane, bien sûr. Ben oui, il n'est pas étudié pour. Lorraine, gilet jaune, 6 blessés à Bar-le-Duc. Ouais. Des blessés. Oui, il y a des gens qui manifestent tout à fait pacifiquement. Et puis, curieusement, vers la fin de la manifestation, quand une partie des gens s'en vont, quand la tension se relâche un peu, eh bien, vous avez des gens qui surgissent de derrière les rangs de la police et qui arrivent armés jusqu'aux dents, masqués, etc., qui commettent des actes très hautement répréhensibles et on met ces actes-là sur le dos des manifestants, qui, eux, sont tout à fait innocents et pacifiques. Voilà. C'est une façon de faire. C'est vieux comme le monde, cette manière-là. Ça s'appelle la provocation. Au moins 3 personnes, dont 2 pompiers, sont décédées samedi à la suite d'une explosion accidentelle, due au gaz dans un immeuble parisien. L'onde de choc s'est propagée dans les quartiers rues adjacentes. Alors, l'article est important, il prend une bonne demi-page, mais il n'est nulle part question des causes de l'accident. Les causes, c'est cause au premier degré, c'est une explosion due au gaz, oui. Mais cette explosion, elle est due à... Pourquoi est-ce qu'il y a une explosion au gaz? Est-ce que quelqu'un a laissé les robinets de gaz ouverts dans son appartement? Est-ce qu'une conduite était défaillante et que le gaz s'est répandu dans différents locaux de l'appartement? Et lorsque quelqu'un a allumé une lampe ou un téléphone, etc., ça fait une étincelle qui a provoqué l'explosion. Est-ce que c'était les conduites qui étaient défaillantes? Est-ce que, rappelons-nous qu'à Paris, les conduites, elles ont au moins un siècle en général, dans le vieux Paris. Hein, les vieux immeubles de Paris, ils sont aussi vieux que les vieux immeubles de Marseille, dont vous avez vu qu'ils s'écroulent facilement. Et lorsqu'un immeuble a tendance à s'écrouler un petit peu, ben, les conduites de gaz, elles valent guère mieux. Hein, l'un peut aller avec l'autre, et inversement. 3 bonnes raisons de lire. La goûteuse d'Hitler, de Rosella Postorino, chez Albin Michel. Parce que c'est une histoire vraie, Rosella Postorino s'est inspirée du témoignage tardif à 95 ans de Margot Völk pour son personnage principal, Rosa Sauer. Hitler craignait d'être empoisonné, et alors, jusqu'en 1943, alors qu'en 1943, son quartier général surnommé la Tanière du Loup se trouvait en Prusse orientale, aujourd'hui la Pologne, il demanda que 10 femmes goûtent chaque jour les plats qui devaient lui être servis. Pourquoi des femmes, pourquoi pas des SS, hein? Rosa est enrôlée et rémunérée 300 marks. 300 marks, je suppose que c'était pas un gros salaire. Pendant 2 ans, elle goûte et met la nourriture du chef nazi sous la menace des SS. Ah, il y a quand même des SS dans le coin. Mais ils menaçaient les femmes qui goûtaient. Ils ne goûtaient pas eux. Chaque bouchée pouvant être la dernière, les jeunes femmes doivent attendre 1 heure après les repas, afin de voir si un dépoison agit. En juillet 1944, après l'attentat raté contre Hitler, elles sont retenues prisonnières jusqu'à la débâcle de l'Allemagne. Voilà, vous voyez, le monde était déjà beau à ce temps-là. Eh bien, ça revient, petit à petit, ça revient comme ça. Ben oui, 6 millions de chômeurs en France en 2019, 6 millions de chômeurs en Allemagne en 1932. Vous voyez, les choses ont tendance à se répéter, l'histoire a tendance à bégayer. Justice, politique, affaire Fillon, le parquet veut un procès. Ah ben oui, on veut un procès, oui. Et aussi rapide que pour les chemises jaunes, hein, les gilets jaunes là, qui ont été interpellés récemment et incarcérés tout aussi brutalement et rapidement. Hein. Ah oui, pour eux, on n'attend pas des années, parce que l'affaire Fillon, ça fait quand même des années que ça dure. Un an et demi, et un peu plus même. Les maternités d'Épinal réunies en 2020. Tiens, revoilà l'histoire des maternités. Le rapport de rapprochement des maternités, le projet de rapprochement des maternités d'Épinal, dévoilé par Vosges Matin en novembre dernier, a été confirmé jeudi par Christophe Baillet, le président du groupe Pasteur Santé. Objectif 2020 et ouverture du nouvel hôpital. Alors, le groupe Pasteur, Pasteur Santé, n'oublions pas que c'est un groupe de cliniques privées. Clinique privée, hôpital public, clinique privée. Clinique privée, hôpital public. Ne confondons pas les deux. Il y a grand danger. Hein. Chômage, un suivi personnalisé. Oh là là. Épinal social. L'association Solidarité Nouvelle face au chômage veut aider plus de chômeurs à retrouver confiance en eux. Les bénévoles des Vosges se sont réunis ce mercredi à Épinal pour exposer leur motivation. Alors, le problème, ce ne sont pas les chômeurs. Le problème, ce n'est pas l'état de santé mentale, physique, psychique des chômeurs. Le problème, c'est l'état physique, économique de la société. Le problème, c'est le chômage. Ce ne sont pas les chômeurs. Le chômage et pas les chômeurs, messieurs les politiques. Souvenez-vous-en tant qu'il est temps, tant qu'il est temps, tant que le peuple n'est pas encore trop en colère. Souvenez-vous, 1789, 2019, tout ça, ça rime, c'est des années en neuf. Eh oui, on pourrait faire du neuf et vous balancer dans la poubelle de l'histoire, messieurs, les puissants, hein, les puissants, ouais. Nain, il dit l'autre, nain. Quoi, qu'est-ce que les nains viennent faire là-dedans? Vendredi 11 janvier 2019, impact sur la santé. En France, chaque année, 73 000 décès liés au tabac, 49 000 à l'alcool. Le tabac et l'alcool sont les deux premières causes de mortalité évitables par cancer. Plus d'un tiers des décès par cancer sont liés au tabac, 45 000, et à l'alcool, 15 000. Les autorités sanitaires recensent 900 000 hospitalisations annuelles en raison de troubles mentaux ou de comportements liés à la consommation d'alcool. Les pouvoirs publics ont répertorié 343 décès par surdose de drogues illicites parmi les 15-49 ans en 2015. Donc, les pouvoirs publics, ils ont du boulot. Les pouvoirs publics, au lieu de matraquer les gilets jaunes, il ferait mieux de les écouter et de faire un effort pour améliorer le sort de la vie des Français, qu'ils soient jeunes, vieux ou entre les deux, hommes ou femmes, actifs ou chômeurs, étudiants, collégiens ou ce qu'on voudra. Hein. Il faut améliorer la vie des gens. Il y a urgence. Il y a de plus en plus urgence. Mirage de Nancy, deux militaires morts. L'information est tombée en fin de journée ce jeudi. Des fragments humains ont été retrouvés à proximité des lieux du crash du Mirage 2000D de la base Nancy-Auchet. Tiens, Mirage d'assaut, on parlait tout à l'heure, oui. De la base de Nancy-Auchet. Le drame s'est produit mercredi dans le Jura. Voilà. Eh ben, les Mirages, il y en a de temps en temps qui s'écrasent quand même. Et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal de les vendre à l'étranger. Et que M. Macron est obligé de donner un passeport diplomatique à son envoyé spécial discret pour aller négocier la vente de ceci, de cela, etc. Tous les machins, les trucs, les bidules, les choses qu'on dit, qu'on suppose, qui sont sûrement vrais mais qu'on n'est pas certain. Et puis, voilà. Ils sont dans le flou, les gens qui nous gouvernent. Ils sont comme les carpes, ils aiment bien la vase, ils aiment bien l'atmosphère un peu trouble où on ne voit pas trop clair. Hein. Pont-à-Mousson, 6h du matin, le RAID interpelle. Alors, quand le RAID intervient, en général, c'est contre des gens très dangereux, des terroristes armés jusqu'aux dents, sanguinaires qui vont tirer à la première occasion, dès que ça va bouger, etc. Eh bien non, c'est pas ça du tout. La justice n'a pas lésiné et a fait appel aux hommes du RAID pour interpeller l'un des hommes suspectés de violence lors de la dernière manif des Gilets jaunes à Épinal. On fait du spectaculaire, du très spectaculaire. Eh oui, c'est grave. C'est grave quand une société en arrive à ça, quand un gouvernement arrive à des choses comme ça, c'est vraiment pas malin. Procès Barbarin, le parquet ne requiert aucune condamnation. Hein, il s'agit de pédophilie. Le ministère public est resté sur ses positions qu'il avait amenées en août 2016 à classer sans suite le dossier de non-dénonciation d'agression sexuelle qui vise le cardinal Barbarin et 5 autres prévenus. Voilà. Bon, vous voyez, quelqu'un qui est soupçonné d'avoir peut-être commis des violences au cours d'une manifestation. Il est arrêté dès le lendemain matin par le raid avec tous les fusils, les machins, les fusils mitrailleurs et tout le bazar qu'il faut, peut-être un char, qui sait, un avion, et un sous-marin aussi, comme dirait Fernand Reynaud, hein, non, Coluche. Voilà. Et puis de l'autre côté, ben, une affaire qui traîne depuis des années et des années, hein, des dizaines de cas de pédophilie, ben oui, mais à partir du moment où il s'agit d'une institution comme l'Église catholique illustrée, ben voilà, hein. Alors, économie, une étude de l'INSEE pointe une chute inquiétante du moral des ménages. La menace plane sur la consommation française. La chute du moral des ménages et des achats en fin d'année risque de se traduire par un ralentissement de la consommation en 2019. Or, le gouvernement compte sur les achats des Français pour donner de la vigueur à l'économie. Alors, les achats vont baisser encore en 2019, c'est sûr, parce que ce genre de courbe, ça ne peut être qu'à la baisse. Hein, c'est-à-dire que la baisse d'une année entraîne une baisse plus importante l'année suivante, qui entraîne une baisse encore plus importante l'année suivante. Tant qu'on ne remédie pas aux causes du problème, eh bien, les choses ne peuvent qu'empirer. Et n'ont pas l'air d'être décidées à agir sur la véritable cause. Alors, des patients qui portent bien leur nom. Parmi les professions de santé en tension dans les Vosges, l'ophtalmologie tient toujours une place de choix dans le palmarès. Ah oui, un concours comme ça un palmarès. Les retraités de la CFDT à la rencontre des marcheurs. CFDT, c'est quoi ça? De quoi s'agit-il? Expliquez-moi. Barbarin confronté aux victimes. On a déjà parlé tout à l'heure, alors c'est pas la peine d'insister. On y reviendra. L'argent liquide en voie de disparition, carte sans contact, paiement par smartphone, virement instantané, les moyens de transférer de l'argent sans recourir aux espèces se multiplient et sont plébiscités par les consommateurs. Voilà.